tous les soirs, 20h-23h, sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée de vacances ou pas d'ailleurs. Hein. Bah, venez nous en parler évidemment. Hein. Si vous avez passé une bonne journée, bah, dites-nous ce que vous, si vous êtes en vacances, qui vous êtes arrivé ou si vous êtes au travail par exemple. Bref, venez nous raconter tout ça. Les vacances et tout le reste, c'est au 01 42 48 5000 ou alors pour la Belgique, le 02 851 4x0. Venez nous dire aussi si vous vous êtes déjà fait pirater votre compte Facebook ou Twitter ou même Instagram. Non, je dis ça parce que cette nuit, il y a Instagram qui s'est fait pirater, du coup il y a des mecs qui publiaient des photos et c'était des photos mais complètement n'importe quoi. Je t'explique en fait, c'est à dire qu'il y a un mec qui s'est fait il y a des mecs qui se sont fait pirater leur compte et en fait ils ont les pirates ont publié des photos de smoothie. Tu sais, les verres de jus de fruits, quoi. Ouais. Et en fait, ils mettaient des verres de jus de fruits. C'était improbable. Bah, ça va si c'est que les verres de jus de fruits. Ouais. Non, mais c'est clair. Mais bon, ça peut être ça ou autre chose après. Hein. Mais en tout cas, c'était majoritairement ça. Donc, bah voilà. Dites-nous si vous vous êtes déjà fait pirater votre compte Facebook, Twitter, Instagram, mail, peu importe. 01 42 48 5000, numéro du standard. D'ailleurs, il y a Sandro qui décroche et 02 851 4x0. Pour la Belgique, comment ça va? Bah, ça va ça super. Va. Déjà fait de pirater ça ou va. Pas, toi, Sandro, quelque chose? On est déjà rentré dans mes mails, oui. Oui, et on a trouvé des trucs intéressants ou non, rien? Non. Alors, déception totale du public. Je fais attention. Ouais, moi mon Facebook en fait c'était une meuf, elle avait réussi à récupérer le code et du coup elle écrivait à toutes les autres meufs que j'avais sur mon Facebook. Ça c'est bon ça. Et Polo? Non, jamais. Je fais très attention, je ferme tout. Lui c'est un psycho, hein, même sur son téléphone, il enlève tout. Il faut chaque fois tout recommencer. Bah oui. Alors que chez moi c'est open bar, hein, c'est-à-dire que tout est mémorisé tellement ça me saoule de remettre les codes. C'est-à-dire si vous trouvez mon téléphone et vous arrivez à taper le premier code, c'est open bar. C'est ça. Ah ouais, là où vous faites plaisir. Je refuse de me faire pirater. Ouais, mais ça après tu choisis pas. Hein. Ouais. Bah moi ça m'est déjà arrivé aussi une fois, j'avais laissé mon PC allumé, en fait quelqu'un avait réussi à rentrer dedans. Et en fait il avait rien piqué, il a juste effacé tous les documents, ah les oui, photos. Donc c'était un petit con, quoi. Putain, quel intérêt. Bah ça fait marrer. Ouais, au final, effectivement, bah ça a bien marché, hein, soit dit, ça m'a bien saoulé hein, pour le coup, effectivement. Mais bon, enfin bref, donc si vous voulez nous parler de piratage, n'hésitez pas, donc 01 42 48 5000 et 02 851 4x0, et bien sûr aussi Facebook, Twitter avec le hashtag Mickaël. Vous venez bien évidemment nous parler sans aucun problème. Allez. Et évidemment, la grosse info du jour, c'est Toff hein, qui va se faire peindre le logo de Flan sur la tête. Alors, on était, parce que j'avais mis deux postes hier en fait, il y en a où on est, j'avais dit qu'il fallait être plus de 1000, il y en a où on est quasiment à 900, l'autre où on est à 400, donc on est largement au-dessus. Plus de 1000, hein, ça y est, c'est fait, on va se faire peindre la tête avec le logo de Flan Radio comme promis. On a d'ailleurs notre reporter en direct de cet événement, oui, hein, c'est Polo, vous êtes oui, sur place. Je suis en direct de la tête de Toff. Eh bien, merci Polo. Autant vous dire que c'est une horreur. Tu m'étonnes. Je vais intervenir dans quelques heures. Enfin, bon, dans quelques temps. Eh ben, on fera ça tout à l'heure avant la fin de l'émission, la teinture des cheveux de Toff en logo avec le logo Fun. Mais on a mis les couleurs, on a cherché les bombes là. Vous pouvez les voir sur le Twitter et sur le Facebook, je les ai mises. Et sur l'Instagram aussi, Mickaël officiel pour voir ça. Les bombes sont là, tout est prêt. Et il n'y a plus qu'à attendre hein, qu'on fasse ça tout à l'heure. Les cheveux de Toff sont là, tout est là, il n'y a aucun problème. Les cheveux sont là, oui. Ah ouais, les cheveux sont là. Ce matin. Exactement. Il a pensé ce matin. Et s'il reste un peu de peinture, hein, Sandro a dit qu'elle était d'accord de se faire peindre les cheveux également. Hein. Et s'il reste un peu de bon, on mettra Gédou aussi. Mais bien sûr. Et ben voilà, elle était d'accord. Donc elle a dit. Coupé un morceau. C'est dit. Puis sinon, ce soir, c'est aussi la grande première de notre nouveau jeu, le Chéri, je peux te faire cocu. Alors on a déjà reçu plein d'inscriptions, mais vous pouvez aussi continuer évidemment à vous inscrire sur mon mail mickaël@funradio.fr si vous voulez par exemple choper des caméras numériques. Il n'y a pas de problème, on en aura à vous offrir également tout à l'heure. Et puis au standard, qui est avec nous ce soir? Sébastien qui est là. Salut Sébastien, t'appelles pourquoi? Salut, alors j'appelle pour ma double voix parce que je suis quelqu'un qui possède un talent extraordinaire, j'ai deux voix. Mais Sébastien, à quel moment es-tu devenue une femme? Oui. Alors déjà d'une part, je vais recaler direct, hein, je ne suis pas une femme, je suis un homme. D'accord. Bah excuse-nous, mais ça s'entend pas comme ça à la première premier abord. Voilà, mais... sauf que non, je suis bien un garçon et ça commence vraiment à me stresser. Donc d'accord. Je suis pas contente, c'est comme ça. Bon, eh ben écoute, on va. Je suis bien un mec et j'affirme. Eh voilà. Ben on va en parler avec toi dans un instant, Sébastien. Tu restes avec nous? Oui, c'est juste que là, je vais devoir quitter quelques minutes parce que j'attends quelqu'un pour ma machine à laver. T'inquiète, il n'y a pas de problème. On va prendre Olivier, Romain également, donc on va te reprendre après. Sébastien, je te renvoie chez Sandro, tu gères avec elle, pas de problème. Okay, à tout de suite Sébastien, on aura Olivier qui est avec nous également, 18 ans du territoire de Belfort également, ça cartonne Fun au territoire de Belfort là. Salut Olivier, t'appelles pourquoi? Salut tout le monde, j'appelle parce que je suis persuadé que ma copine me trompe. Parfait, bon ben on va en parler dans un instant, j'imagine que tu as déjà mené ton enquête. Un petit peu. Bon, eh ben écoute, on va en parler, Olivier, tu restes avec nous, ne bouge pas de là. Il y a Romain aussi qui est là, salut Romain. Salut. 26 ans de Nevers dans la Nièvre, donc, et toi tu appelles pourquoi, Romain? Non, moi c'est le contraire d'Olivier, moi je risque de pas être cocu parce que je suis puceau. Ah, 26 piges. Ah ouais, pas mal. C'est bon, ah ouais, ça. Ouais. Ah oui, c'est pas mal ça. Ouais. Bah, 26 ans. 26 ans quand même, c'est pas mal. Bon bah écoute, on en parle, Romain, tu restes avec nous, d'accord? Tout à fait, ok. Bon, parfait. Et puis on aura plein d'autres auditeurs tout au long de la soirée, bien entendu. Côté son, évidemment, on a du lourd ce soir, et puis vous allez pouvoir choisir aussi, hein. On aura Will.i.am tout à l'heure là. Voilà, Will.i.am avec Miley Cyrus qui a reposé nu de nouveau là pour Marc Jacobs. Ah, cool. J'essaierai de trouver la photo, là j'en ai trouvé quelques-unes tout à l'heure, mais pas celle que je veux, je vous les mettrai sur le Facebook. Donc Will.i.am qui passera tout à l'heure, on aura aussi le son d'Axwell. Ah bon, on vous a envoyé à Stockholm la semaine dernière, hein, pour aller rencontrer Axwell. Et puis on aura aussi... Alors ça sera le battle de ce soir, tiens, justement, là. Je voulais savoir lequel des deux vous avez envie d'écouter ce soir, alors Major Lazer. Et là, c'est à vous de jouer, hein, sur le Twitter. Vous mettez le hashtag Mickaël, lequel vous voulez écouter ce soir, Major Lazer, donc. Ou alors, le son de Martin Garrix. Ah là, avec Animals, vous choisissez, vous mettez l'un ou l'autre là sur Twitter, et puis on vous les mettra avant la fin d'émission, promis. Vous mettez le hashtag Mickaël et puis vous votez pour Major Lazer ou pour Martin Garrix, hein, y a pas de problème, vous faites votre demande, voilà, tout simplement. Et si vous faites le plus de votes, eh bien on vous diffusera l'un ou l'autre avec grand plaisir. Bon, allez hop, comme ça vous savez de quoi on va parler ce soir, hein. Et puis on a aussi évidemment votre voyage direction Ibiza pour aller assister à une soirée, à la soirée Fuck Me I'm Famous. Ce sera donc tout à l'heure, avant 23h, on fera le tirage, bien évidemment. Et puis on jouera aussi avec la colle du jour. Vous allez devoir répondre à des questions. On l'a fait hier avec les blagues Carambar. Et ce soir, si vous voulez vous aussi poser une question, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. mikael@funradio.fr. Vous allez pouvoir partir direction Ibiza, donc à la soirée Fuck Me I'm Famous. Donc en plus de ça, on vous offrira aussi votre caméra numérique, hein, histoire de pouvoir être pépé, de ramener plein de souvenirs. Voilà, la soirée Fuck Me Infamous, c'est à Ibiza que ça se passe. On vous envoie là-bas tout frais payé pour assister donc à cette soirée de Psycho. Voilà, vous savez tout. On va prendre tous les messages qui arrivent aussi. Là, il y a plein de messages. Il y a Abby qui dit Mickaël, merde, Seb, t'es un mec, ça doit être vachement chiant le pauvre. Bah ouais, on va le reprendre d'ailleurs, Seb, là, qui avait une voix de fille. Anaïs qui dit, j'attends avec impatience la teinture de Toff. Ouais, t'inquiète, ça va arriver tout à l'heure. Allez, Toff, ne fais pas la gueule, tu vas être sexy comme tout avec les couleurs de fun, c'est oui, clair. Plus beau, j'avais tellement sexe. Il y a Issam de Liège qui dit, j'ai été piraté 60 fois mon compte Facebook. Il y a maman, faut changer ton code, hein. Si tu mets 1 2 3 4, c'est normal que tu te fasses pirater, hein. Moi j'ai mis ça pour ma carte bleue. Bah ouais, tiens, étonnant, tiens. Bah oui, il faut mettre autre chose. Bah non, en fait non, tant qu'on l'a pas utilisé, tu peux garder ça si tu veux. Ah ok, ça va. Aurélien qui dit, compte hotmail piraté, Mickaël, l'impression. C'est Victor qui dit, l'impression de faire une soirée entre potes avec vous tous les soirs, avec Toff, Mickaël, Sandro et Polo. Mickaël, on est là au taquet, bah merci à vous tous. Va chercher les bières. Ouais, va chercher les bières, ouais. Depuis que je vous écoute, c'est une sorte d'addiction à votre émission. C'est Aurélien qui m'envoie le message. Bah c'est gentil, vous êtes cool ce soir là. Depuis que je vous écoute, c'est la teuf tous les soirs. Eh bah merci en tout cas pour tous vos messages. On va accueillir maintenant Jérémy qui est avec nous. Bonsoir. Salut. Jérémy, 20 ans, donc t'appelles de Basse Normandie, toi. Et tu nous appelles pourquoi, Jérémy? Alors donc par rapport à l'histoire que j'avais dit hier, mais qu'on a dû faire vite en fin d'émission. Exactement, t'étais là en fin d'émission hier soir, effectivement, je me souviens. Voilà, et donc en gros, donc comme prévu, comme j'avais dit hier, c'est que mes parents ont envoyé 3 gendarmeries à mes trousses pour un vol entre guillemets de véhicule, puisque c'est le véhicule de ma mère. Ouais. Donc en gros là-bas je m'en trouve sans véhicule. Là je suis actuellement dans un bar parce que Sandra m'avait dit qu'il faut que je capte à fond la batterie parce que je suis là jusqu'à la fin avec vous. Ouais bah c'est donc, ça, bah, à la fin je sais pas, bon en tout cas tu vas rester un petit bout de temps, le temps qu'on puisse t'aider, quoi, visiblement, hein. Ça a l'air d'être assez compliqué, donc on va essayer, hein. Ouais, c'est très compliqué, ouais. Mais bon après moi niveau de l'aide, c'est vrai que c'est plus au niveau, si les chefs d'entreprise passent par là, s'ils ont besoin de quelqu'un, moi il n'y a pas de souci. Là je viens de faire 3 heures de marche à pied sous la pluie pour savoir si un boulot était disponible. Malheureusement il avait été pris il y a quelques instants. Ah dommage. Donc, bon attends, parce que pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, donc en gros tu nous avais appelé parce que t'avais eu des soucis avec ta mère, du coup tu t'es barré de chez toi, t'as pris sa voiture, enfin ta voiture mais qui est immatriculée à son nom, donc en fait c'est sa voiture à elle au final, hein, légalement. Et du coup comme ton frère est flic, du coup t'as les flics à ton cul. Voilà. En gros, c'est ça. Voilà. Et donc là, tu cherches pour pouvoir payer ta voiture, enfin payer les traites en tout cas. Tu cherches un, bah, tu cherches un boulot, enfin payer la voiture, voilà, le loger accessoirement. Voilà, donc tu cherches un taf. Bah écoute, on va essayer de t'aider, Jérém. Hein. C'est quoi le... Tu cherches dans quoi en fait Bah là, sincèrement, comme je disais, fondera du standard, tout, hein, tout ce qui vient. Il y a pas de. N'importe. Parce que tu sais qu'en général, en général, c'est quand même relativement facile de trouver du taf quand tu vas. Bon après, voilà, il faut aller au Quick, McDo, etc. Oula, mais même ça, c'est compliqué. Hein. Ah ouais. Ah sincèrement, parce que j'ai fait tout McDo, j'ai fait Quick, j'ai posté des CV partout, j'ai que des réponses négatives, j'ai fait 9 mois d'intérim, y a rien, y a que dalle. Parce qu'en général, c'est eux qui font justement les demandes et tout. J'ai encore été hier soir, il y a marqué sur le ticket McDo recrute. Ma copine s'est fait recaler comme une merde du McDo. Ah parce qu'en fait, il faut faire quoi Bac plus 7 ou Non mais c'est parce qu'elle n'arrivait pas à taper les commandes aussi. Donc ah ouais, c'est ça. En fait, elle n'a pas de doigts. C'est pour ça qu'on fait avec des moignons. Donc, c'était compliqué sur la caisse. Non, mais et du coup, ils t'ont répondu quoi dans les fast-food? Ils pouvaient pas. Bah, voilà, en gros, dans le sens que leur phrase préfète du style nous sommes désolés, mais votre CV ne correspond pas à la candidature recherchée. Ah bon. D'accord. Bon, bah écoute, je pensais qu'en général c'était plus simple, mais écoute, on va trouver une solution. En tout cas, on va essayer de trouver une solution. Donc, si vous êtes. Donc, lui, il est à Lozon dans le 50, donc t'es mobile, j'imagine, tu peux te déplacer un peu. Bon, peut-être pas peut-être pas le bout de la terre sans voiture maintenant. Mais en gros, bon, t'es mobile. Donc voilà, Lozon, voilà. Basse-Normandie dans le 50, si jamais vous avez un taf éventuellement pour Jérém. Donc dans tout et n'importe quoi, t'es habile de tes mains, tu peux faire du manuel, tu préfères. Sans souci, tu préfères quoi dans l'absolu comme boulot, tant qu'à faire pour essayer de trouver un truc bien. Si jamais il y a informatique, moi je suis à fond là-dedans. Et d'accord. Sinon, d'ailleurs, ça tombe bien qu'on parle de piratage. Mais ouais. Sinon, dans ce qui concerne, en revanche, par contre, si quelqu'un veut, à la rigueur, s'il aime pas conduire, moi je suis prêt, j'ai mon permis. Okay. Et j'ai fait à peu près pour j'adore la conduite, parce que j'ai fait à peu près 7000 bornes en moins de 4 mois. Donc bon. Voilà un peu le. Eh ben, écoute. Bon ben tu ne bouges pas de là, on va parler avec toi dans un instant. Si vous avez des conseils, si vous aussi vous êtes déjà peut-être barré de chez vous, vous avez peut-être des conseils à donner justement à Jérém qui a 20 ans là, qui appelle de Lozon. Eh ben on va essayer de t'aider Jérém dans un instant. Tu restes avec nous? Ok, sans souci. Tiens, bah tant que t'es là, tu veux choisir un son là? Alors j'ai quoi? J'ai Will.i.am en proposition là. Will.i.am avec Miley Cyrus, ce sera Fall Down. Et puis sinon j'ai aussi LOL DJs avec Portilla de Bobo. Et ça. Ah, tu veux LOL DJs? Ouais. Ouais, bon ok, d'accord. Bon, on va te le mettre dans un instant. Bah tu restes avec nous, Jérém. Bouge pas de là, on revient dans un instant avec toi, avec vous toutes et vous tous, où vous soyez partout en France et en Belgique. N'hésitez pas, vous êtes chez vous, évidemment. Vous nous appelez, vous nous écrivez sur le Facebook, sur le Twitter. facebook.com/MIKLOfficiel. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. No limit. Mikael. Sur Fun Radio. Exactement, sur Fun Radio, on est là, c'est 20h15 là, on est tranquille jusqu'à 23h en direct sur Fun Radio. Vous venez parler avec nous, hein. Vous êtes évidemment les bienvenus, ça marche sur Twitter, ça marche sur Facebook. Et attention, tout à l'heure je vous offrirai votre trip direction Ibiza pour aller assister à la soirée Fuck Me I'm Famous. Et en plus de ça, je vous mets évidemment la caméra numérique qui va bien, histoire de prendre des souvenirs. Ça se passera dans quelques instants avec la colle du jour sur Fun Radio. Et puis on aura aussi dans quelques instants c'est Hakim qui est là, tiens, pour la colle du jour dans un instant. Ça va bien, Hakim? Ça va, Mickaël, et toi? Eh ben ça va plutôt. Salut, bien là. Équipe. Eh ben salut, toute Hakim. L'équipe te salue, Hakim. Bon, Hakim. Ouais. Hakim, est-ce que t'es prêt pour la colle du jour là? Est-ce que tu penses que c'est toi qui vas gagner ou est-ce que c'est est-ce que ce sont les auditeurs qui vont trouver ta colle, à ton avis? Bah, y a de fortes chances que ce soit les auditeurs de Fun Radio de l'émission qui trouvent la colle, quoi. Eh ben écoute, Hakim, on va voir ça dans un instant. En tout cas, c'est bien, tu pars positif puisque tu sais déjà que tu vas perdre. Ça me paraît pas mal. Bon, bah écoute, Hakim, reste avec nous. On se fait la colle dans un instant, juste après le son de LOL DJs. Ça va, ça te chauffe? Ah bah, ça le chauffe apparemment, hein, ça le chauffe très très bien apparemment. Grave. Allez, c'est Fun Radio et c'est LOL DJs maintenant sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde. Allez, bonne soirée avec Fun et avec la teinture de Toff tout à l'heure. Hein. On a été plus de 1000 hier soir là sur la photo de Toff en mode scout qui est toujours dispo sur facebook.com. Et donc ce soir, c'est la teinture. Beau. Teinture avec le logo de Fun avec toutes les couleurs sur les cheveux, ça va être de la folie. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 74 900. Donc restez bien là et puis vos SMS évidemment. N'oubliez pas de débuter le message par Mickaël si vous envoyez votre message pour que ça arrive évidemment au bon endroit. Et puis un message aussi qui est arrivé. La fille qui chantait là dans Portia des Bobos de LOL DJs, on dirait Lady Gaga. Ouais, c'est vrai qu'on y a une petite ressemblance, mais pour le coup c'est pas Lady Gaga. En revanche, je tombais de nouveau sur une photo de Lady Gaga. Les nouveaux à Walpé, je sais pas ce qui lui arrive, les nouveaux tous les deux. Elle aime bien se mettre nu. Non mais enfin bah. tant mieux, j'ai envie de dire, mais bon, quand même, elle est nouveau nu, c'est un truc de ouf. Je viens de mettre la photo là, ça y est, hop, là, elle est publiée sur le Facebook de l'émission et sur le Twitter. Donc vous tapez Mickaël officiel pour venir nous rejoindre sur Facebook et sur Twitter, je compte sur vous. Et donc donnez-nous votre avis. Elle est bien. Bah franchement là dessus, ouais, avec les lunettes. En fait, elle a juste des bottes et une paire de lunettes. On voit son tatouage là sur la cuisse limite fesse. Et elle est assise dans un canapé avec plein de processeurs, des trucs informatiques, des c'est très geek. Ouais, c'est ça, ouais, c'est très geek effectivement. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Donc allez voir, dites-nous ce que vous en pensez. Facebook et sur le Twitter, là, vous tapez Mickaël officiel pour venir nous rejoindre. Moi, je trouve la botte lui va bien. Bah le ouais c'est vrai. C'est vrai que ça lui va pas mal effectivement. Bah allez voir et puis donnez vos avis, on fera le débat tout à l'heure hein, si vous voulez, il y a aucun souci. Retour avec Jérémy qui est de retour là. Jérémy ? Salut. Ah, il est de retour. Parfait. Bon, Jérémy, toujours de Lauzon toi et toujours en demande de taf. Donc là t'es vraiment en galère puisque t'es à la rue, là t'es en embrouille avec avec tes parents. Ah bah là en fait, voilà, tout à fait, c'est exactement ça. Et le pire c'est que forcément pour pas avoir d'emmerde avec la gendarmerie, j'ai préféré rendre le véhicule quand même. Oui, donc, t'as bien fait pour le coup. Voilà que en gros bah là dans le sens que je suis à pied totalement dans le brouillard. À pied totalement à pied. Voilà, totalement. Il est complètement à pied. Il est complètement à pied, effectivement. Bon, écoute, on va essayer de trouver, mais il n'y a pas une solution avec ta mère, là, avec tes parents? Il n'y a pas moyen d'arranger les choses ou c'est vraiment parti très loin? C'est parti très loin. Le pire, c'est que c'est 5 ans comme ça, donc comment ça... Ah ouais, d'accord, ça ne doit pas dire le problème, quoi. Non, ça risque pas de pouvoir s'arranger. Bon, d'accord, ok. Ouais, évidemment, non, mais vu comme ça, voilà, moi après je pose des questions, je sais pas où ça en est. Et avec ton frère qui est dans la police, il n'y a pas moyen non plus d'essayer de trouver un terrain d'entente, c'est pas possible non plus. Vu le message menaçant que j'ai reçu de lui, non, je préfère pas. Mais t'as fait quoi dans l'idée? Enfin, rentre pas dans le détail, après ça ne regarde pas, mais en gros, il s'est passé quoi pour que ce soit le bordel à ce point-là dans la famille? Bah en gros dans l'idée, en gros, hein, tu vas me dire si t'as le même avis, mais en gros depuis mes parents je suis un malade mental qui devrait finir en hôpital psychiatrique, voilà. Bah écoute, non, t'as l'air tout à fait normal comme ça, après je te connais pas dans le détail. Ça se trouve ils ont raison, je sais pas. Non mais a priori t'as pas l'air Bah, disons qu'en fait ils me disent ça parce que dans le sens qu'ils me trouvent souvent sur le PC, mais dans le sens que sur le PC j'enregistre les musiques parce que je suis en train de sortir un album, donc voilà le truc. Ah et pour ça t'as malade mental, putain, il y en a plein des malades mentaux alors. Hein. Tous ceux qu'on passe à la radio, tous ceux qu'on qui font de la musique, sont tous des fous. Non, c'est peut-être vrai, hein. Hein, c'est peut-être vrai, ils sont peut-être tous tarés en fait. Peut-être. Ils vont aller savoir. Et donc tes parents sont complètement fermés. En fait, ils auraient voulu que tu fasses un métier style celui de papa ou un métier normal, quoi, entre guillemets. Bah voilà, dans gros ils m'ont dit bah en gros bosse quoi, mais j'ai fait oui mais je veux bien, mais faut peut-être trouver de l'argent, enfin faut peut-être trouver un boulot avant, quoi. Bah ouais, non mais c'est clair, ils veulent pas comprendre. Ouais. Bon, écoute Jérém, franchement on va essayer hein, de te trouver un boulot. Donc si vous avez éventuellement un travail à proposer à Jérém, même si c'est un truc sur du court terme, hein, c'est pas grave, mais au moins quelque chose. Bien. Voilà, il a l'air bien le Jérém là. Voilà, je préfère préciser aussi que pour tous les chefs d'entreprise, s'ils veulent franchement une motivation, parce que bon, sachant que je suis à pied, je peux pas apporter ni CV ni aide de motivation, mais vous inquiétez pas, tu pourrais faire 4 heures à pied pour venir vous voir, moi il y a pas de souci. Hein. Voilà, donc ça prouve façon, effectivement. La motivation, je suis à la rue, je pense que. Ouais, ça paraît pas mal. Ouais, ça paraît pas mal comme motivation. Ouais. Donc bah vous nous appelez hein, 01 42 48 5000, vous appelez le standard, il y a Sandro qui décroche et puis bah Jérém, si on trouve quelque chose, on te reprend de toute façon. Ok, merci à toi. Bon bah écoute, à tout à l'heure Jérém. Salut. À tout de suite. Bon bah très bien, on va essayer de trouver quelque chose en tout cas pour Jérém d'ici quelques instants. Et puis on va prendre notre ami Hakim qui est là. Allô Hakim. Ouais Mickaël. Ouais, Hakim, j'ai oublié ce que j'ai mis comme chanson hier, tiens, pour la colle. Je me souviens plus, je crois que c'était ça que j'ai mis, vous allez me dire. Hakim. Ouais, c'était pas ça? Non. Ah, ou alors c'était ça alors. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, il me semblait bien. En ouais. plus, ça va bien, Hakim. Ça lui va comme un gant. Ça lui va comme un gant, ouais. Bon, Hakim, alors, ouais. Je rappelle donc à tous les auditeurs, que tu vas leur poser une question. À eux, évidemment, de participer, d'avoir la bonne réponse. S'ils ont la bonne réponse, ils passent à l'antenne, avec nous, avec toi, avec moi, avec tout le monde, avec toute l'équipe de Mickaël No Limit. Et puis, s'ils ont la bonne réponse, ils repartent avec, la caméra numérique et surtout la possibilité jeudi des tirs au sort pour aller voir. Pour aller direction Ibiza, tout frais payé pour aller faire la teuf non-stop. Ça se passera pour la soirée Fuck Me I'm Famous. Vous allez là-bas, transport, tout est compris évidemment, hein, pour aller faire la teuf là-bas, donc à Ibiza. C'est l'endroit idéal pour aller faire la teuf. C'est pas plus compliqué que ça. C'est l'endroit. C'est l'endroit, voilà. C'est l'endroit. Bon, alors, Hakim, pour ça évidemment il va falloir poser la question. Je remets la musique, la musique de la colle. Donc quelle est la colle? C'est pas la même tout de suite. Alors écoutez bien. Bah, on écoute, nous sommes tous chauds, Hakim. Eh, Hakim, t'es bon, hein, ouais, ce soir. Est-ce que t'es chaud, Hakim? Ouais, je suis chaud. Chaud, chaud, chaud. Chaud, chaud, chaud. Chocolat? Ouais, non, arrête, arrête ça directement. Pardon, excusez-moi, je me suis emballé un peu. Ouais, ouais, un petit peu, effectivement. Bon, alors attention, on y va, on t'écoute. Alors, que dit un cyclone à un ouragan qui lui bloque le passage? Quoi? Que dit un cyclone à un ouragan qui lui bloque le passage? Que dit un cyclone à un ouragan qui lui bloque le passage? Un ouragan, pas un ougaillon. Un ouragan. Un ouragan. Donc que dit un cyclone à un ouragan qui lui bloque le passage, c'est ça? C'est ça. D'accord, ok, très bien. Bon, bah si vous avez une idée, hein, vous y allez sur Twitter ce soir là pour aller direction Ibiza à la Fuck Me and Famous, la soirée qui va à mon avis tout déchirer et qui déchire tout d'ailleurs depuis des années. Vous allez sur le Facebook, le Twitter pardon, Mickaël officiel, vous mettez le hashtag et la réponse évidemment, hashtag Mickaël. Et puis vous mettez la réponse. Bon, répète encore un coup la question, Hakim. Que dit un cyclone à un ouragan qui lui bloque le passage? Alors, est-ce qu'il dit ça par hasard? J'ai pas que ça qu'à foutre. Non. Il dit pas ça? Non. Non, non, il dit pas ça. Bon, d'accord, ok, très bien. Qu'est-ce qu'il y a? T'as, j'ai un message pour toi d'ailleurs, des mignons, tiens. Oui. Voilà. Merci. Mais avec plaisir. Écoute, c'est vraiment, il insistait pour le dire. Et j'ai une grande discussion avec les mignons tout à l'heure. Et il voulait absolument me parler. J'ai dit, bon, allez, d'accord, ok. Il y a pas de problème. Je vous le passe. Voilà. Je savais qu'il m'aimait, les mignons. C'était le deuxième. Il message. M'adore. Bon, Hakim, bah écoute, on te souhaite bonne chance. Je rappelle que si jamais aucun auditeur trouve la bonne réponse, c'est toi qui gagne, Hakim. Si jamais il y en a un qui trouve la bonne réponse, t'as perdu, bien sûr. D'accord, d'accord, ok. Bon, allez, à tout à l'heure, Hakim. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui, ciao. Hakim. On va parler piratage maintenant avec Thomas qui est avec nous. Maintenant. Oui, oui, maintenant, ça, c'est à nous. Tout de suite, Thomas. C'est à nous. Cours, cours. Est-ce que t'es là, Thomas? Salut, Mick. Ça va bien? Bon, t'appelles du Puy-de-Dôme, toi, le 63, c'est bien ça? C'est ça. Eh ben, très bien. Sois le bienvenu. Tiens, des messages sont arrivés, tiens. Mickaël, tous ceux qui font de la musique, boum, boum, tchac, tchac, sont des malades mentaux. Oui, effectivement, ouais, comme disait le mec hier sur la RTBF, là. On dirait que vous faites partie de la famille. Ça fait plaisir. C'est Aurélien qui avait envoyé le message. Eh ben, merci Aurélien. Et puis, un message aussi de Ben qui voulait poser une question. Tiens, vous sauriez demander aux auditeurs si ça intéresse quelqu'un. Une chaîne neuve Police. Je l'ai acheté 59 euros et je la vends 29 euros. C'est Brian. Oui, on va faire eBay ce soir, tiens. Voilà, on va lancer eBay à la radio ce soir, comme ça vous allez pouvoir vendre des trucs, on rachète et tout, ça va être au top. Moi j'échange une vieille télé à tubes contre une télé à écran plat. Moi aussi j'ai une paire de chaussures que j'ai jamais voilà. mise. N'hésitez pas si vous voulez, vous pouvez y aller. Moi j'ai une vieille canette de coca là, dans le bureau là. Alors j'ai toi ouverte. T'as le truc le plus pourri de ouais mais peut-être que j'arrive à faire un truc bien. J'ai plus pourri, j'ai la tête de Toff. Ah ouais, et la tête de Toff, et en plus ça quand elle sera bah justement, une fois qu'elle sera tuée, elle va valoir beaucoup plus. Pour plus pesant, c'est les soldes. Ah ouais. Bah oui, c'est les soldes, mignon. Bon, alors Thomas, donc qu'est-ce qui t'amène toi? Ah oui, tu voulais parler du piratage. Ouais. T'as été victime là du truc de pirate qu'il y a eu cette nuit avec Instagram là, tu sais, les mecs ils ont été piratés, ils ont mis les pirates ont mis des c'est con quand même hein, des photos de smoothies, tu sais, les espèces de petits verres de verre avec des jus de fruits là. Ouais, pareil, moi c'était l'année dernière sur Facebook. Ouais, qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah moi il y a un mec de nuit qui m'a piraté et qui a dit toutes les meufs que je voulais sortir avec. Ah mais c'est bien. Hey, surtout que ça, hey, c'est quand même plutôt pas mal parce que toi t'osais peut-être pas le dire, alors du coup maintenant il t'a rendu service. Bah les plus belles elles ont dit non et les plus moches elles ont dit non. C'est toujours comme ça, hein, j'ai l'habitude, c'est pareil. C'est ça. Bon, et du coup t'as sorti avec aucune meuf? Aucune. Et comment t'as su que c'était un pirate de Nice? Bah avec les statuts qu'il mettait. Ah bah oui, parce qu'en plus c'est idiot, il a mis des statuts mais il a pas enlevé la géolocalisation, donc il y a marqué envoyé voilà. Depuis tel endroit. Voilà. S'il est con lui aussi, ouais. Et tu l'as retrouvé du coup ou pas? Bah non, j'ai laissé tomber, j'en ai refait un autre. Ah bah oui, t'as bien fait, hein, oui, il fallait simplement changer ton code peut-être. Ouais. Ça aurait pu être une bonne idée ça, non? Ouais, mais après je l'ai fait une fois ça et... Il a recommencé, il l'a repiraté, donc j'ai laissé tomber. Ouais, mais je pense qu'à un moment, il faut changer ta question secrète. Hein. Ouais, à mon avis, ouais, parce que si c'est... quel est mon prénom? S'ils savent tous que c'est Thomas, forcément, c'est facile de retrouver le code. Hein. Et depuis, t'as plus de problème? Non, aucun. Bon bah écoute, tant mieux alors. Mais ça va, si c'est que ça, ça va encore, tu vois. Toff, il ne demanderait pas bien qu'on le pirate son compte pour dire « sortez avec moi les filles ». Ouais, parce que généralement c'est le contraire, c'est ouais je sors déjà avec Toff, c'est pas la peine. Ouais, ou alors c'est au contraire, c'est ils font passer Toff pour un guet, c'est genre oui, si vous êtes un beau grand mâle, n'hésitez pas à me contacter en message privé, etc. Évidemment ça marche moins bien. Oui. Oh. Bah ouais, t'as ça vu, il a l'air complètement déprimé. Oui, complètement déprimé là. En gros, s'il y a rien d'autre, tu te rabats sur les hommes. Bah c'est ça, moi voilà. s'il y a pas autre chose, je prends. Hein. C'est ça, il prend ce qu'il peut quoi. Bah merci Thomas en tout cas d'être passé. Tu reviens quand tu veux Thomas. Et tu veux écouter un son particulier. Ou tu veux passer un son particulier, Will.i.am là si tu veux dans un instant. Ouais, Will.i.am, je viens. Ouais, Will.i.am, alors sinon j'ai Axwell aussi. Celui-là, oula, partez pas celui-là. Ah, tu préfères l'un ou l'autre? Will.i.am. Will.i.am, bah d'accord, ok, on va se le mettre dans un instant, y'a pas de problème. Bah voilà Thomas, passe une bonne soirée. Merci toi aussi. Je t'en prie, à bientôt, passe une bonne soirée à l'écoute de Fun évidemment. Y'a Alan qui est là également, bonsoir Alan. Ouais, salut les gars. Salut, t'appelles pourquoi Alan? Ah parce que je me suis fait pirater sur mon Facebook en fait l'année dernière. Eh bah très bien, bon on va en parler dans un instant, tu restes avec nous? Ouais ça marche. Bon bah allez bougez pas, enfin bouge pas Alan, il y aura Jérém dans un instant aussi qui est à la rue là et apparemment on a peut-être un plan là pour du boulot pour lui donc ça c'est la bonne nouvelle. Et puis on va faire on va continuer à refaire un tour aussi du côté de la question d'Hakim dans un instant là. Ça va vous permettre peut-être d'aller direction Ibiza pour faire une énorme teuf, la fuck me, I'm famous. On vous envoie là-bas tout frais payé évidemment. Bah allez, on en parle dans un instant juste après le son de Will.i.am et Miley Cyrus maintenant, c'est Fall Down sur Fun Radio. You make my world, you make my world. Ouais et on est en direct sur Fun Radio là, venez discuter avec nous, on est là jusqu'à 23h. Vous balancez tous vos messages évidemment facebook.com/MIKLOfficiel ou d'ailleurs je viens de mettre la petite colle de Hakim. Je viens de la mettre sur le Facebook et sur le Twitter aussi d'ailleurs. Donc si vous avez une idée, n'hésitez pas d'ailleurs. Hakim est de retour, Hakim. Ouais, aller... j'imagine bien. Pour avoir une chance d'aller direction Ibiza, on vous offre votre billet pour aller jusque là-bas pour deux personnes pour aller faire la teuf de ouf direction évidemment la soirée Fuck Me I'm Famous. Oui, une seconde Hakim. Alors vas-y Hakim, c'est quoi la colle? Alors que dit un cyclone à un ouragan qui lui bloque le passage? Que dit un cyclone à un ouragan qui lui bloque le passage? Bon, faut répondre sur Twitter hein. Vous tapez le hashtag MIKL sur Twitter, donc MIKL officiel. Alors il y a des réponses qui sont arrivées qui c'est va-t'en, c'est ça Hakim? Non c'est pas ça. Non, il y a pousse-toi. C'est pas ça. Bouge de là. C'est pas ça. Casse-toi. C'est pas ça. Pardon. C'est pas ça. Du balai. C'est pas ça. Non bah c'est pas ça. Bon bah très bien. Bah continuez si vous avez les bonnes réponses. Enfin la bonne réponse. C'est peut-être vous qui partirez direction Ibiza. Eh bah Hakim, repose la colle encore un coup là. Que dit un cyclone à un ouragan qui lui bloque le passage? Voilà, bon bah vous balancez vos réponses maintenant sur le Twitter, hein. Vous mettez le hashtag MIKL espace la réponse. Eh bah tout à l'heure Hakim. Tout à l'heure. Eh bah pour l'instant ça se passe plutôt bien pour toi là au niveau des réponses. Là c'est bien, c'est bien. On y croit, on croise les doigts Hakim. Allez, on y croit, j'y crois en tout cas. À tout à l'heure Hakim. On y croit, ouais. À tout à l'heure Hakim. Écoute Hakim, c'est cool. Bon, retour avec Jérém là, qui est à la rue là. Il est en embrouille avec ses parents. Toujours là Jérémy? Toujours là, toujours là. Bon, parfait. Il y a Bruno qui apparemment peut-être une solution. Je sais pas pour toi, tu cherchais du boulot. C'est Bruno, 26 ans, dans l'Isère. Salut Bruno. Salut Mickaël, salut à toute l'équipe. Comment ça salut. Va Ah bah ça va, on a fini le boulot là donc. Eh bah bon courage. Bah tu fais quoi dans la vie dis-moi Jérém, Bruno? Je suis agent sécurité, protection rapprochée. Ah protection rapprochée carrément, c'est bien ça? Ouais. Enfin c'est bien, bah, je sais pas mais. Ça dépend qui c'est en fait. Ah c'est pas toujours le même client? Surtout si c'est des meufs quoi. Non, en fait c'est du ponctuel que je fais. D'accord. T'as des concerts, des soirées, des trucs comme ça. Ah ouais. Je fais agent sécurité. Tu fais agent de sécurité, puis ouais. Ça a coupé, Bruno, c'est ça? Et pas agent de téléphonie. Non, là, téléphone, non. Bruno? Oui. Ah voilà, on t'avait perdu un moment. Bon, Bruno, tu voulais réagir aussi à Jérém, donc toi, t'as un conseil éventuellement pour lui? Oui, alors en fait, j'ai deux petites solutions pour lui. Après, il y a des formations qui sont qualifiantes, hein, qui sont très rapides. Ouais. Dont une formation qui est rémunérée, qui est dans le domaine de la sécurité, hein, si ça l'intéresse. Cette formation qui dure 9 mois, c'est un CAP AS, donc agent de sécurité. Ouais. Donc c'est rémunéré en fonction de son âge, de son activité professionnelle avant. D'accord. Et la deuxième solution, donc toujours en formation qualifiante, c'est le CQP, c'est l'équivalent du CAP mais raccourci en un mois. Quoi? Oui, il a rien compris, mignon, mais c'est pas grave. Mais donc du coup, ouais, mais ça peut être un bon plan dans le long terme. Là, tu cherches vraiment un truc là où tu pourrais éventuellement même démarrer demain, quoi. Voilà, en un mois, il a son diplôme et il travaille. D'accord. Ah bah ça peut être un bon plan ça, Jérém. Ah bah ouais, je confirme, parce que moi j'aimerais bien partir. Bah ouais, c'est clair, ça peut être un très bon plan même, effectivement. Bah écoute, why not, ça peut être... En tout cas, prends toutes les infos si tu veux, Jérémy, je te passe Bruno hors antenne pour que tu puisses éventuellement renoter peut-être toutes les infos si t'as pas eu le temps de reprendre dans le détail. J'ai eu le temps, c'est APAS en 9 mois ou c'est QP en 1 mois. Ah oui, donc t'as tout noté, donc c'est parfait. Bah écoute, il est fort ce Jérémy. Bah ouais, impeccable. Bah écoute, merci Bruno en tout cas. Bah de rien, et c'est avec grand plaisir, je vous écoute et je vous adore tous. Oh bah c'est gentil Bruno, merci à toi et puis bon courage pour le boulot demain alors. Ouais, bah ça va être long et pénible. Bah j'imagine, c'est bien. On est avec toi. C'est bien parce qu'il vient vendre à Jérémy que ouais, tu dois faire ça, c'est le top, tu vas voir. Ouais, ça va être long et pénible, hein. ça va être bien relou quand même. Hein. Après c'est en fonction de l'endroit où on est. En fait, agent de sécurité, c'est divers et varié. Ah on d'accord. Peut faire du magasin, on peut faire de l'événementiel, okay. Des concerts, c'est vachement fun. Ouais, ça dépend des moments, ça dépend où tu te trouves. Ouais. Effectivement, si tu tombes sur le concert de Michel Sardou ou de David Guetta, tu te marres pas de la même manière, quoi. Bah, j'ai fait le concert de David Guetta, justement, le 28 juin à Grenoble. Ah bah, très bien. Il est cool. Ah, c'était super. Franchement, bon. C'était super. C'est bien, en plus, t'es payé pour aller... C'est comme ceux qui font ça au foot et tout ça, là, toutes les saisons. C'est pratique. Pratique, agent de sécu, à ce niveau-là, c'est clair. Bon, bah, merci en tout cas, Bruno. Tu reviens quand sur Fun Radio quand tu veux. Tu restes là, on va te filer une compile Starfloor. Yeah, c'est avec plaisir. Salut Bruno, à bientôt. À bientôt, au revoir. Allez, ciao à toi. Jérém, il y a encore eu quelques appels aussi, là on va te les passer évidemment d'ici quelques instants. Et puis on aura Céline. Elle est là Céline directement, elle est là, c'est magnifique. Salut Céline. Bonsoir. Eh ben bonsoir Céline. Alors t'appelles du 63 toi, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. Bon ben sois la bienvenue. Tu voulais aussi donner un conseil à Jérém? Oui, parce que moi, en fait, c'est pareil, moi, je cherchais du boulot pas mal, j'ai fait pas mal d'intérim. Ouais. Et je sais qu'il y a la poste, des fois, en intérim, ça marche bien. Moi, j'ai travaillé un an en tant qu'intérimaire. Ils font des contrats, plein de petits contrats. Je suis désolée, j'ai couru. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète, on voit que t'as l'air un peu essoufflé comme ça, c'est pas grave. Moi, je croyais qu'elle faisait des trucs bizarres au téléphone. Ouais, en fait, c'est ça. Non, en fait, apparemment pas. C'est juste que j'ai couru, c'est tout. D'accord, très bien. Bon, et donc il y a les boîtes DIA, en fait, c'est des agences d'intérim. Ouais. Et moi, en fait, ils m'avaient... au début, ils me disaient, non, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. En fait, il faut vachement insister. Et là, maintenant, je travaille à la ville de Clermont-Ferrand. Donc, c'est pareil, il peut postuler dans les mairies, dans les trucs comme ça, ou pour les portages à domicile et tout, il y a plein de boulot, en fait. Bon, bah c'est bien. Donc, ça veut dire que, tu vois, Jérémy, il y a quand même des solutions, malgré tout, pour avoir un travail assez rapidement. Alors c'est peut-être justement. Pas celui que tu vas kiffer le plus, mais en tout cas ça va te permettre de te dépanner. Ah non, mais ça c'est moins grave en fait, c'est plus que effectivement moi le seul souci que j'ai c'est que j'habite en fait à Lauzon, c'est une cambrousse auquel il y a strictement mais que dalle à côté. Ouais. Et la seule grande ville qu'il y a c'est Saint-Lô, et encore Saint-Lô, à part la Manche libre que j'ai déjà tentée, il n'y a pas grand chose quoi. Oui c'est ça quoi, d'accord, ok, bah oui. Bah voilà, Jérémy, en tout cas t'as les infos là de Céline aussi, je passe encore un truc à ajouter Céline. Non, mais c'était juste pour lui souhaiter bon courage. Et puis, voilà. Merci beaucoup. Il faut postuler un peu partout et puis insister vachement, quoi. Écoute, merci Céline, en tout cas, d'être passée. Bonne soirée. Bonne soirée aussi. Je te fais des gros bisous, Céline. À bientôt sur Fun Radio. Ciao à toi. Et puis, Jérém, on va te passer tous les numéros de téléphone, de toute façon, là, éventuellement, qui sont arrivés au standard. Et puis, en tout cas, on te souhaite bonne chance et surtout, tiens-nous au courant. Hein. Ça marche? Bon, salut, Jérém. Salut. Allez, à bientôt, ciao à toi. Et surtout, donc, tiens-nous au courant si jamais tu trouves quelque chose, si jamais ça va mieux avec tes vieux, tout ça, tu nous dis, hein. Ok, sans souci. On te reprendra avec plaisir. Salut Jérém, ciao à toi. Bon, voilà, comme quoi, effectivement, on peut se marrer, mais on peut aussi aider de temps en temps. Et il y a encore eu plein de messages aussi et plein de numéros de téléphone qui sont arrivés au standard. On va tout filer à Jérém en espérant qu'il puisse trouver un travail assez rapidement, justement. Il y a Alan qui est là également et qui voulait nous parler piratage dans un instant. Toujours là, Alan? Toujours là. Toujours bon, là, très j'attends. Bien. Tu vas encore attendre 30 secondes là, on est plus à 5 minutes. Vas-y, ça marche. Bon, ça marche, t'entends, t'es bien là, t'es au standard, tout ça, c'est fun qui paye, donc t'es cool. Tranquille. Voilà. On fait ça dans un instant, tu vas revenir avec nous, puis avec tous les autres auditeurs là qui vont appeler en attendant là au standard 01 42 48 5000. Allez les filles, allez les mecs, on vous attend. Vous nous appelez où que vous soyez en France, 01 42 48 5000, et où que vous soyez en Belgique au 02 851 4x0. Vous arrivez au standard, il y a Sandro évidemment qui s'y colle au standard. Ça va, elle était gentille Alan, Sandro ou pas? Alan? Oui. Elle était gentille Sandro au standard? Nickel. Elle a une voix magnifique. Oh, ça y est, on va plus sortir là. C'est clair. À raconter. Bon, allez, à tout de suite, Alan. On va s'écouter aussi le son dans un instant de Axwell sur Fun Radio. Ce sera Center of the Universe. C'est le son de Fun qui arrive dans un instant. internet. Prenez le contrôle. Tweetez hashtag MIKL officiel. Tous les soirs. Fun Radio. 20h-23h. No limit. No limit. MIKL. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, évidemment, ça se passe jusqu'à 23h. Allez, venez parler avec nous, n'hésitez pas. Il y a Charlotte qui a envoyé un message, tiens, putain, quelle émission de ouf, c'est super, continue comme ça, on vous adore. Bravo l'équipe, merci Charlotte sur Facebook. Vive la colle également, c'est un message d'Olivia qui est arrivé sur le Twitter. Et puis des réponses qui sont arrivées aussi pour peut-être repartir direction Ibiza avec la colle du jour. On en reparle dans un instant avec Hakim. Et puis on va prendre Romain également qui est là. Salut Romain. Salut. Alors pour ceux qui n'étaient pas là à 20h, t'appelles pourquoi Romain? J'ai 26 ans et je suis toujours puceau. D'accord, ce sont les choses qui arrivent, hein. Toutes mes félicitations, voilà, exactement. Évidemment, il n'y a pas de problème, ça arrive même au meilleur. Chez nous. Eh ben ouais, c'est vrai. Bon, chez nous. Romain, on va voir, on va essayer. Romain, tu restes là, on va en parler dans un instant après le son d'Axwell, d'accord? D'accord. Bon allez, bouge pas de là, bougez pas non plus. Si vous êtes vous aussi peut-être encore puceau aujourd'hui, à quel âge ça s'est terminé justement cette période justement, à quel âge vous avez couché avec avec votre copain, votre copine pour la première fois. Venez nous en parler, 01 42 48 5000 partout en France, vous appelez ce numéro. Et 02 851 4x0 partout en Belgique, vous appelez également ce numéro. Allez, je compte sur vous. Et puis on va s'écouter le son de Axwell, comme promis, Center of the Universe sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. Ouais, c'est le numéro du standard sur Fun Radio et puis vous appelez évidemment, vous tomberez sur Sandro, standard qui a deux mains gauches, hein trois mains gauches, hein, quatre pieds. C'est alors, qui arrive. Quel est le message que tu dois passer? Je voudrais que Fred me rappelle parce qu'il manque un chiffre à son numéro. Voilà, et comme elle a raccroché derrière, évidemment. Mais oui, ça doit être ça. Speed, c'est pour tiens, ça. J'ai rappelle-moi s'il te plaît. Un message des mignons pour toi, Sandro. Débile. Voilà. Je pense que tout est dit à ce niveau-là. Hein. Je crois qu'il y a rien à dire de plus, à mon avis. Bon, allez, on va accueillir maintenant comme promis. Bon, on va reprendre Hakim, la vite fait, là. Hakim. Ouais, je suis toujours là. Ouais. Bah, j'espère bien que t'es encore là. Tiens, c'est peut-être toi qui va peut-être faire partir un auditeur direction, enfin deux auditeurs en l'occurrence direction Ibiza pour la soirée Fuck Me I'm Famous. Vous allez voir, ça va être une tuerie à mon avis. En plus de ça, on vous offre aussi votre caméra numérique qui va bien histoire de prendre des souvenirs. Alors, pour partir direction Ibiza, il faut répondre à la colle du jour. La colle du jour, c'est par Hakim. Alors, on écoute. Que dit un cyclone à un ouragan qui lui bloque le passage? Voilà, alors il y a des messages qui sont arrivés aussi. Il y a Aurélien sur Twitter qui dit réponse à la colle du jour, tu me bloques. Non, c'est pas ça. Ah, tu manques pas d'air. C'est pas ça. Un ouragan, ça parle pas. C'est pas ça. Bon si, enfin au final c'est vrai que la réponse n'est pas mauvaise, même si c'est pas celle-là qu'on attend a priori, mais bon. C'est une blague donc. Il y a l'Ecstasy qui dit je sais pas. C'est pas ça. Bah il sait pas pour le coup. Et quelqu'un qui proposait Fuck Me. Non. C'est pas ça. Voilà, ça je me doutais un petit peu effectivement. Bon, si vous avez la bonne réponse, on fait le tirage au sort parmi les bonnes réponses là sur Twitter dans allez on va dire à 21h comme hier, tiens, dans 6 minutes. Voilà, vous envoyez donc le hashtag MIKL sur Twitter et puis vous mettez la réponse. Voilà, hashtag MIKL sur Twitter. Et puis vous pouvez aussi follow me, hein. Vous pouvez me follower bien évidemment en tapant MIKL officiel. Je vous attends avec plaisir et vous êtes tous les bienvenus. Hakim, à tout de suite. À tout de suite MIKL, à toute l'équipe. À tout de suite Hakim. Voilà. Voilà, bonne chance si vous voulez partir direction Ibiza et cherchez pas ailleurs iPhone qui peut vous envoyer direction Ibiza pour la soirée Fuck Me I'm Famous. Mais c'est ça quand on est pote avec David Guetta, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Tu vois, tu l'appelles, tu dis on peut avoir des places pour les auditeurs, il dit ouais pas de problème. Hop, là l'affaire elle est pliée. Ouais. Bon, message qui est arrivé. Mais t'as vu un peu là, hein, c'est ça. Là là. Ah qu'est-ce que tu veux. Il y a Alexis aussi qui dit abandonne la course, on a perdu, c'est le Mistral gagnant. Oh là là, non ça c'est pas la bonne réponse. Je te le confirme, c'est pas ça. Bon, allez hop, retour avec Alan et son piratage là, Alan. Ouais. Bon alors très bien, on est de retour là avec le piratage. On parlera avec Romain aussi là qui est encore puceau à 26 ans. Toi tu l'es encore toi ou pas Alan? Bah non, j'y suis plus. Ah bah je sais pas, après, c'est pas grave. Bah oui. Ah, attends, tu crois quoi? C'est ça, c'est pas très grave, hein. C'était quand la première fois Alan? J'avais 15 ans. 15 ans. Ah ouais, donc ça fait un petit temps là maintenant que c'est terminé. Bah oui, c'est clair. Bah ouais. Bon Alan, tu voulais parler de piratage puisqu'en début d'émission on en parlait hier soir, enfin cette nuit. Alors je sais pas si c'est vraiment cette nuit avec le décalage horaire aux États-Unis tout ça, mais en gros ils ont il y a des pirates qui ont réussi à pirater Instagram et du coup en fait ils ont rien trouvé de mieux à faire que de poster sur certains comptes des photos de smoothies, c'est-à-dire en fait des espèces de verres avec des jus de fruits quoi, bon un smoothie et voilà, donc du coup ça a fait le buzz ce matin et donc je voulais savoir s'il y en avait qui avait été victime justement avec de ces pirates sur Instagram, et puis surtout s'il y en avait qui s'étaient déjà fait pirater leur compte Instagram, Facebook, leur compte mail, peu importe. Et toi du coup, Alan, c'est quoi l'histoire? Bah moi c'est sur Facebook en fait. D'accord. L'année dernière, c'est doit être une ex, je pense, mais je sais pas qui c'est. Ma photo de profil a été changée, mon code et tout ça, mon mot de passe. Ma photo de profil c'était une tête de cochon et tout ça avec une pomme dans la bouche. Oh, c'est bon ça. Ouais, c'est sympa, ouais. Tu lui avais fait et des trucs coup, à la meuf? Bah non, mais ça faisait 9 mois qu'on était ensemble et tout ça, mais bon, la meuf, bah voilà, on a cassé tout ça, puis bah je pense qu'elle a piraté mon compte Facebook. Et du coup, sauf que j'étais emmerdé par les flics et tout ça, parce qu'elle a dit à des gamines de 12 ans que je voulais les violer dans le bois et tout ça. Elle s'est vengée, pour le coup, elle s'est bien vengée, hein. Et donc du coup j'étais emmerdé par les flics et tout ça, donc après ils ont recherché tout ça et ils ont vu que j'étais bien piraté, donc après ça a arrêté là quoi. Donc, ils ont même pas retrouvé qui c'est, donc Non mais t'imagines, non mais le pire c'est que ça peut aller super loin en oui, fait. Oui, hein. Bonjour monsieur Alan, vous êtes un dangereux pédophile. Non mais t'imagines un peu, je crois qu'elle l'a fait, à mon avis elle s'est pas rendu compte, hein. Ben non, c'était juste comme ça pour délirer, et puis du coup ça s'est parti trop loin. Elle voulait juste le faire chier, et puis Ouais, elle a envoyé en prison quoi, rien de grave. Bah oui. Bah c'est ça, tant qu'il se... Bah attends, et ça va, c'est pour rire, tu vas pas nous chier une pendule, hein. C'était pour se marrer là, on ne voulait pas de mal. J'ai fait une garde à vue à cause de ça. Mais non, je suis en prison, mais en tout cas on a bien rigolé nous avec les potes, hein, t'inquiète pas à ce niveau là. Ah, et puis en prison ils ont bien rigolé avec lui, c'est vraiment toute une histoire. Ah ouais, ça c'est sûr, ouais. Bon, et donc du coup Alan, tu t'es vengé toi par après, ou t'as laissé tomber? Bon non, c'est des trucs de gamins, je me suis même pas vengé, ça sert à rien du tout. Oh, bah oui. Mais quel gentleman ce Alan. Ah oui, il est fort Alan. Elle a changé mon mot de passe et tout ça, donc mon compte Facebook il est encore actif avec la tête de cochon et tout ça, donc c'est bon ça. Ah ouais d'accord, ils l'ont pas encore. Bah oui, tu peux plus le fermer du coup puisque t'as plus le code. Bah non, je peux plus le fermer du tout. Ah oui, bah après elle a changé tout, la question secrète et tout ça, toi. Ah ouais, mais ça c'est okay. Parce que t'as trop fait confiance, t'as donné trop d'infos, ça. Ça c'est une femme énervée, tu vois. Ouais, mais c'est parce qu'il a donné trop d'infos, c'est genre, c'est comme les mecs, oh mais si je t'aime, on va se partager nos mots de passe, mais non. Ah si oui, un mot de passe, gardez-le pour vous. C'est comme ça qu'on vous a à chaque fois. Hein, et vous êtes souvent pisté sans le savoir. Ouais, hein. Mais je peux te dire que moi-même pas en rêve. Hein. Ah attends, ouais. Tu donnes pas ton mot de passe, rares, si tu le gardes, ton mot de passe. C'est quoi cette preuve d'amour en boîte? Je te donne mon mot de passe Facebook. Et c'est pour aller fouiner s'il n'y a pas d'autres nanas, d'autres c'est messages. Nul. Mais oui, mais c'est naze. Attends, un homme, c'est quelqu'un de confiance. En c'est ça, et n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est tout ce qu'ils avaient à dire, ils avaient raison d'ailleurs. Il n'y a pas plus honnête qu'un homme, je suis d'accord avec Polo. Mais oui, c'est ça, bien sûr. Il est là pour témoigner. Ah bah ouais, ça c'est clair, hein. un beau témoignage d'ailleurs. Bien sûr, je suis le témoin de moralité de Polo dans cette histoire. Ouais, c'est ça. Bon, alors Alan, et donc du coup, maintenant t'as fait un autre compte et t'as gardé ton mot de passe cette fois-ci? Bah ouais, j'ai gardé mon mot de passe, je le donne même plus à personne, même à mon ex et tout ça. Enfin là, parce que. Ah bah surtout pas à ton ex. Mais non, mais je viens de casser avec une autre ex, donc j'ai même pas donné mon mot de passe parce que je dis que ça continue pareil. D'accord, ok. Bon bah écoute, en tout cas, sois plus discret la prochaine fois, d'accord Alan? Ouais, c'est clair, c'est bon. Clair. Allez, bah la bonne... Ouais Alan. Est-ce que je peux passer une petite dédicace vite fait? Ah bah une seule personne. Ah d'accord. Il faut une choisir la bonne. Il faut choisir la bonne, ouais. Bah je la passe à Goutte-Puche qui m'écoute là. Eh bah très bien, bah voilà, il sera content. Puis tous les autres, ils vont se dire, putain, quel sale con, alors il a même pas pensé à moi. Non, à Goutte-Puche, parce que là, on va aller à l'apéro. Parce que quoi? Tu vois, on va aller à l'apéro. Ah bah on va aller à l'apéro évidemment, ouais c'est ça. Donc on embrasse Goutte-Puche alors, c'est ça? On embrasse Goutte-Puche. Bah c'est ça, Goutte-Puche. Allez, Goutte-Puche. Non, Goutte-Puche. Non, Goutte-Puche. Goutte-Puche. Oh, il a rien compris. Bon, allez Alan, la bonne soirée hein. Allez, boulou. Allez, salut à toi, ciao, bye bye. Et puis on va prendre dans un instant Hakim aussi. Il reste 30 secondes là, il est 20h59 et 30 secondes pour tenter de participer et aller direction Ibiza. Faut mettre le hashtag et Mickaël et la réponse à la question que j'ai mis d'ailleurs sur Facebook et sur Twitter, mais qu'on va rappeler. Donc quelle est la différence? Non, c'est quoi? Mais demande à Hakim. La colle, Hakim. Ouais, Mickaël, vas-y, vite, alors, répète la colle. Que dit un cyclone à un ouragan qui lui bloque le passage? Que dit un cyclone à un ouragan qui lui bloque le passage? Voilà, il vous reste quelques secondes pour aller donner votre réponse sur Facebook et sur Twitter. Donc vous mettez le hashtag et Mickaël. Bon, à tout de suite Hakim. À tout de suite Mickaël. Allez, à tout de suite. Et on a Romain qui est de retour là. Romain? Oui. Bon, parfait. Des messages sont arrivés. Tiens, il y a Greg qui dit ne surtout pas donner le mot de passe Facebook à ta meuf. C'est con pour le mec. Bah ouais, effectivement, ouais. Vous êtes une bonne équipe, Antoine, là. Vous m'amusez tous les soirs. Eh bien, nous sommes là pour ça. On est là pour t'amuser. Il n'y a pas de problème. Merci en tout cas. Et Vincent qui dit le cyclone dit bouge ou je te fracasse. Il peut essayer, c'est mais c'est un peu violent quand même. C'est pas la bonne réponse. Et puis il y a aussi Adopte un con qui dit il dit va-t'en le cyclone. Non, c'est pas ça non plus. Bon Romain, alors qu'est-ce qui va pas toi? Pourquoi t'es encore puceau à 26 ans? Qu'est-ce qui va pas? Un petit blocage quoi. Ah, c'est un blocage. C'est pas parce que tu trouves pas de meuf en fait. C'est juste que t'as peur. Ah oui, depuis que j'ai eu un petit recalage, oui un petit moment quand j'étais en seconde, Ah oui, un petit moment alors, oui, effectivement. Oui. Ouais, comme quoi j'ai soi-disant pas les capacités pour être en couple. Pas les capacités. Alors expliquez ce qui s'est passé à l'époque. Une nana avec, on s'était retrouvés tous les deux à l'arrivée du lycée, on était du même collège, tranquille. Ouais. Le problème c'est que tous nos potes étaient dans la même classe, mais pas la même. Donc du coup, ben, on a sympathisé encore plus tous les deux, on ne sachait pas. J'ai voulu franchir le pas et elle m'a dit non. Elle t'a dit non. Bah écoute, son chose qui arrive. Hein. Mais il y a d'autres meufs. Bah ouais, c'est ça. Pourquoi t'as passé avec d'autres depuis? T'es bloqué là? Ouais, je sais pas. Mais t'y vas, qu'est-ce que. Bah tu sais, t'en fous, t'y vas, tu fais comme Toff, hein, tu vas à l'arrache. Si y en a une qui dit non, tu vas voir la suivante. Voilà, il y en a bien une à un moment qui va dire oui. Ouais. Bah parce que là c'est con, t'as raté plein de trucs là, jusque là, t'as 26 ans, il t'a encore rien fait là. Non, j'ai toujours. C'est la peur du râteau, quoi, c'est chiant à force. Hein. Mais ouais, mais c'est. Mais attends, hey, mais en fait, si tu vas pas sûr de toi, les nanas vont ressentir aussi, hein. Bah, déjà, il faut y aller sûr de toi, et puis de toute façon, qu'est-ce que tu risques? Au pire, elle va te dire non. Bah, c'est pas grave. C'est-à-dire que soit tu kiffes une meuf, t'oses pas lui demander, tu sais qu'il se passera rien. Tu lui demandes, eh ben, au mieux, il se passe un truc, et au pire, il se passera rien non plus. Donc, tu vois, tu risques. Tu perds pas grand-chose dans l'idée. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, c'est ça, donc faut essayer, t'as rien à perdre, Romain, là. Dites-nous d'ailleurs comment ça s'est passé chez vous, là. Tu t'es fait des puces à quel âge, Toff, la première fois? 16 ans, ouais, 16 ans. 16, Paulo, combien? 18, quel... très tard, 18. Oh, 18 ans, bien tard. Non, mais c'est tard. Parce que moi, j'ai des problèmes de communication avec les gens. Oui, ça, c'est effectivement. Je suis un peu agressif, parfois. Oui, ça, c'est sûr, effectivement. Bon, enfin, cela dit, non, c'est bon, mignon, là, c'est bon. Cela dit, Romain, t'es pas le seul dans le cas. Hier, sur TMC, je passe à vue. Il y avait tous différents, il y avait un couple qui avait attendu près de 30 ans. Et ouais. J'ai attendu 27 ans avant de trouver l'homme que je voulais épouser et à qui je voulais donner tout mon amour. Et c'est merveilleux. Ah ouais, tu vois, toi t'as 26. C'est merveilleux, hein. C'est beau. Et tu vas voir que eux, c'est pire, hein. ils sont même pas embrassés en fait. On attend le mariage pour s'embrasser. Et beaucoup de gens sont choqués quand ils l'apprennent. Comme si personne ne le faisait jamais. Bah non en fait. Parce que sans moi coucher je veux bien, mais s'embrasser quand même, bah c'est ouais, un truc de fou. Bah oui. Alors du coup, même à la maternelle tu t'embrasses. Mais ouais, alors du coup au moment où il peut enfin y aller justement, mais il y croit pas. Vous pouvez embrasser la mariée. Ah oui ? Vraiment ? Ah bon ? Vraiment, mais je peux ? Voilà, c'est ça. Donc tu vois, t'es pas le seul, hein, Romain. Hein. Ouais, en plus ce qui me gêne, c'est que dans le monde dans la famille, ils sont tous maqués. Et si t'as y a 20 ans, t'es passé 20 ans, t'es pas maqué, t'as pas un gamin en route. C'est un peu comme t'avais pas réussi ta vie, quoi. Mais... Oh non, arrête un peu. Regarde, moi j'ai pas de gamin en route et bon, c'est vrai que j'ai que 18 ans, mais. Mais voilà. Moi qui ai 19 ans, c'est pareil. Voilà, c'est ça. Bon, attends, il y a Laura qui est là, 20 ans de Toulouse. Salut Laura, comment ça va? Salut, ça va? Là, bah, très bien, Laura. T'appelles pourquoi, dis-moi? Ben, j'appelle par rapport à lui, avec 26 ans, toujours plus haut. Enfin, faut se poser des questions au bout d'un moment et c'est vrai qu'il paraît mou un peu. Et c'est bizarre, enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'il est arrivé pour qu'il en arrive là. Eh ben justement, jamais... comme il disait, en fait, il a eu un blocage à l'époque, il avait voulu avec une fille, elle l'a recalé, et depuis il est bloqué en fait. Et il a jamais réussi à. Enfin, t'as jamais réessayé? Si, j'ai essayé, mais. Mais la réponse, c'était pas un non, mais bon, la fille montrait bien que c'était pas. T'as pas réussi avec la même fille? Non. Ah, parce que Laura, justement, elle est disponible. Hein, hein? Non? D'ailleurs, Laura, combien mesures-tu? Bah justement, tiens, c'est vrai qu'on se posait la question. Tiens, justement, je me posais la question, là. 1m75. Combien pèses-tu, Laura? 59. Ah oui. Quel est ton tour de poitrine? 95B. Ah oui, quand même, c'est pas mal. Et la taille des pantalons que tu as acheté? 38. Ah oui, 38. Je pense que Laura est tout à fait correcte. Mais oui, exactement, oui. Tu as déjà vu un monsieur tout nu? Laura? Oui, bien sûr. Oui, ah bon. Sinon, je pouvais me proposer. Hein. Ouais, mais justement, mais je pense que ça peut lui faire peur, à mon avis. Hein. Quoi? Ouais, ça va lui faire vraiment ouais, peur, je pense. Aussi. Bah ouais, c'est clair. Bon, ouais, je suis un athlète. Donc, Laura, toi, c'était à quel âge la première fois? 16 ans. 16 ans, c'est ça? Ouais. D'accord. Oui. Ouais, bah t'es 10 ans retard, hein, Romain. Ouais. Bah ouais, bon, il y a Greg qui dit à 20 ans, t'es pas obligé d'avoir un gamin. Non, mais c'est clairement pas ça, évidemment, même oui, à 25, non, même sûr, à 30. Évidemment, sûr, mais évidemment. Mais même après, ça lui a fait une frustration, en fait. Ouais, frustration, ouais, mais le truc qu'aujourd'hui, c'est qu'il a envie. C'est-à-dire qu'il y a un moment, t'as envie de voir ce qui se passe, quoi, Romain. Clair, quoi. Bah c'est oui. Ouais, Plus moi, c'est pas des plans cul que je veux. Moi, c'est vraiment une relation sérieuse. Oh, tu veux déjà trouver simplement une meuf, quoi, en fait, tout simplement. Ouais. Mais il y a un moment, faut y aller. T'as déjà essayé de voir un psy, c'est con, hein, mais pas, tu sais, un psy, c'est pas fait pour les fous, pas un psychiatre, hein, mais juste un psy pour essayer de te débloquer, pour débloquer ce qui est coincé, là. Ouais, j'en ai parlé et c'est un manque de confiance et. Bah ouais, mais ça se travaille, ça. Quand tu vois une fille, il s'y prend comment? Ben justement, attends, Romain, mise en situation, là. Il y a Laura qui est là, imagine, tu la croises et tout, Laura, elle est là, elle est à la cool, tu veux la draguer, je te mets même la musique d'ambiance, tu vas voir, hop là, voilà. Voilà, t'es dans un bar, là, t'es tranquille, de Morito à la main, et donc, essaye Romain, il y a Laura qui est là, elle est là, toute seule au bar, accoste-la. Laura ? Oui ? Mais comment ? Laura. Faut dire, Ah oui, c'est coincé là, ouais, là par contre, ouais, effectivement, il y a. C'est dur là. Voilà, il y a un petit problème, effectivement, ouais. Bon. Bon, alors ce que t'aurais dû faire, tu vois, c'est déjà au moins voir comment elle a lui proposer de boire un verre, même si elle en avait déjà un, peu importe, c'est pas très grave. Tu sais, lui demander ça t'intéressait à elle, etc. Déjà voir s'il est seul. Qu'est-ce que la fille elle fait, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, ouais, voilà. Des petites questions qui passent partout, quoi. Mais parce que effectivement, si dès le salut, comment tu t'appelles, après il y a plus rien, c'est qu'effectivement t'es quand même bien bloqué là pour le coup. Hein. Ça c'est. Ouais. Taf, en tant que grand dragueur professionnel, oui. Est-ce qu'il y a des conseils à donner éventuellement à Romain? Faire semblant de s'intéresser à la fille, c'est ce qui leur fait le plus et plaisir. Surtout. Moi je suis un vrai dragueur professionnel, contrairement à Taf. Moi. Vas-y, essaye. Non mais sérieusement, non c'est pas ça. Lui mentir. Début à la fin. Je rappelle que c'est le même mec qui nous a dit les hommes sont des gens de confiance. Mais oui, c'est ça, il faut lui mentir. Mais c'est non, ça. Les yeux. N'importe quoi, c'est ça. Bon, et donc, du coup, il y a aussi Fred, donc on va prendre dans un instant, qui est de Lyon, là, qui a peut-être donné un conseil. Salut Fred. Ouais, salut à tous, ça va? Bah, ça va bien et toi? Ouais, tranquille. Donc, bon. Ouais, j'avais donné un petit conseil à lui donner parce que je le trouve un peu coincé quand même au niveau de drague. Bon, eh ben écoute, tu bouges pas, on va te reprendre dans un instant, d'accord? Ok, ça roule. Bon, allez, reste là. Et Laura, tu veux écouter un son, tu es en particulier? Moi, dans un instant, si tu veux, j'ai où est-ce qu'il est le son que je voulais te mettre? Tiens, il est là, tiens, Martin Garrix. Voilà, je vous ai demandé de voter aussi. Ah bah Martin Garrix, je vous ai demandé aussi sur Twitter si vous en vouliez le son de Martin Garrix avec Animals. Alors ce que j'ai aussi pour toi, c'est David Guetta, si tu veux. Voilà, David Guetta avec Ain't a Party. Qu'est-ce qui te chauffe le plus là pour l'instant? Allez, la première. La première, Martin Garrix avec Animals. Oui. Ouais, moi je suis d'accord. Et vous les mecs là, Fred et Romain, vous en pensez quoi? David Guetta. David Guetta. Et toi Romain? Guetta. Guetta aussi. Ah ouais, bon, on va mettre Guetta alors Laura, on mettra Martin Garrix. Ah bah ouais, mais ça, 2-1. On a refait, Ah bah ouais, mais 2-1, sauf s'il change le rôle. Guetta il gagne, hein. Ah mais sauf s'il change d'avis. Romain et Fred, vous êtes sûr que vous voulez pas changer d'avis pour Laura? Non, David Guetta. Non, ok, oh. Ah bah Fred il est bien là, hein, au niveau du romantisme et du honneur aux filles. Romain. C'est honteux. Guetta. Guetta, bah t'as compris Romain toi. C'est-à-dire que là on présente Laura, t'essayes même pas de dire allez vas-y pour Laura je fais un effort. Ah bah oui, et tout. J'aurais pu quand même. Hein, ah ouais t'aurais pu. T'aurais pu. Bon ben c'est David Guetta qui va débarquer dans un instant, mais t'inquiète, hein, il faut compter sur ceux de Facebook et ceux de Twitter Laura là. Je vous ai demandé si vous voulez écouter David Guetta ou alors Hardwell tout à l'heure. Ah non, c'était Hardwell, pardon, c'était Major Lazer. je me perds avec tous les sons là. Voilà, Major Lazer ou Martin Garrix, ce sera tout à l'heure. C'est vous qui proposez votre choix. Hein. L'un des deux sur Twitter, vous mettez le hashtag Mickaël et puis vous mettez le choix, on mettra un son tout à l'heure sans problème. Vous restez bien là, Laura, Fred et Romain, ne bougez pas, on revient dans un instant. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 74-900. Ouais, et on fera aussi tout à l'heure notre nouveau jeu, évidemment, le chéri, je peux te faire cocu. Fun Radio vous offre votre iPad mini pour les vacances. L'iPad mini, j'en rêve. L'iPad mini, c'est l'objet high-tech à avoir pendant les vacances. Dès que vous entendez le double fun avec les tubes de Stromae et Doc Sauce à la suite. Yo, this is Doc Sauce on Fun Radio. Soyez les premiers à appeler Fun Radio. 3228. J'ai entendu le double fun. C'est toi qui as été le plus rapide. L'iPad mini est pour toi, c'est gagné. Ah, c'est super, merci beaucoup Fun Radio. La radio de vos vacances. C'est Fun Radio. Le son Dance Floor. 34 centimes par minute. Mickaël. Attendez la suite. Mickaël, No Limit. C'est tous les soirs sur Fun Radio. Et allez, faites-moi plaisir ce soir là. Faites péter le top tweet avec Mickaël sur le Twitter. Hashtag Mickaël. Bah montre à tout le monde un top tweet. On est là, je veux qu'on soit top tweet avant 23h. C'est facile à faire, hein. Je compte sur vous. Ça c'est bien. Quand on a justement les auditeurs qu'on a, c'est pratique. Et c'est. Je suis sûr qu'on sera avant 23h, on le sera. Certain. On peut compter sur eux. Mais oui, on peut. Clairement. C'est ça, ils vont inviter leurs potes à retweeter. Bah voilà, c'est ça, c'est aussi simple que ça. Allez hop, top tweet donc, Mickaël, le hashtag Mickaël avant 23h, je compte sur vous. Et puis on aura aussi dans quelques instants Hakim avec la réponse pour savoir lequel d'entre vous partira peut-être direction Ibiza. Romain avec Fred et avec Laura aussi pour parler des puceaux. Et puis on aura aussi la teinture de Toff. Tout ça, ça arrivera avant 23h. Et ce qui va arriver aussi avant 22h par contre, eh bien ce sera notre nouveau jeu. Donc ce sera le chéri, je peux te faire cocu. On va faire ça d'ici quelques instants. Donc si vous voulez participer, eh bien vous me faites un petit mail dès maintenant, hein, le petit mail que vous envoyez tout de suite donc sur mikl@funradio.fr. On l'avait demandé et en tout cas c'est Romain et Fred qui l'ont choisi, le son de David Guetta. On va se l'écouter tout de suite justement, tiens, Ain't a Party sur Fun Radio. Allez, bonne soirée tout le monde, c'est Mickaël No Limit jusqu'à 23h. C'est Fun Radio, allez bienvenue, si vous venez de débarquer là, le hashtag est Mickaël sur Twitter, là je compte sur vous, hein. Vous nous dites quand on est hashtag et puis on a un œil aussi dessus. Hashtag est Mickaël, donc sur Twitter, vous venez vous venez discuter avec tout le monde. Il y a DJ Kiliel aussi qui dit ça sent bon Ibiza ce morceau. Ah bah tu m'étonnes qu'il sent bon Ibiza, le son de David Guetta avec Ain't a Party justement. Et puis on va accueillir en parlant d'Ibiza, c'est Hakim qui est avec nous là. Je vais toujours bien Hakim. L'équipe va bien aussi. Hakim, t'es là, toi tu tentes et tu vas tenter de repartir avec la caméra numérique et puis avec le petit voyage, la direction Ibiza pour aller à la soirée Fuck Me I'm Famous. Tu as posé une colle, répète la colle. Alors, que dit un cyclone à un ouragan qui lui bloque le passage? Que dit un cyclone à un ouragan qui lui bloque le passage? Et puis on va appeler quelqu'un maintenant qui s'est inscrit en envoyant la bonne réponse sur Twitter en mettant le hashtag Mickaël. Allez, c'est parti. Si la personne qu'on appelle maintenant elle décroche, allô? Oui. Allô, bonjour, oui, comment allô tu t'appelles? Julie. Julie, c'est ça? Oui, c'est ça. Très bien, alors Hakim, répète la petite colle pour voir. Alors, que dit un cyclone à un ouragan? Ouais. Qui lui bloque le passage? Alors, Lily? Il lui dit du vent? Oui, c'est ça. Bravo à toi, bravo à toi. C'est Julie, tu m'as dit, c'est ça hein? Oui, c'est ça, Julie. Eh ben voilà, bravo Julie, tu pars donc. Enfin, pas encore, hein, c'est pas sûr. T'as en tout cas la caméra, ça c'est sûr. Presque. C'est super. Et peut-être que jeudi, on tira au sort pour t'annoncer que tu pars faire la teuf. Fuck Me I'm Famous, tira avec la personne de ton choix. À Ibiza, t'as déjà été là-bas ou pas, Julie? Non, jamais, je suis jamais. Jamais. Oh là là. Eh ben voilà, ça me paraît un bon plan, ça. Tu vas aller avec qui, dis-moi, ouais, si tu gagnes? Je sais pas du tout. Tu sais pas du tout, d'accord, écoute, ok, très bien. Si je peux me permettre, Julie, combien mesures-tu? 1m55. Combien pèses-tu, Julie? Comment? Combien pèses-tu? 62 kilos. Quel est ton tour de poitrine? Non, ça ira. ça ira combien? Ça ira combien, ouais. Ça ira. Ouais, il y a assez pour toucher, ça va. D'accord, et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 40. Écoute, si tu ne trouves personne, je veux bien venir les toucher sur le chemin. Oh là là, mais quelle bonté, quelle magnifique, quelle bonté. Je suis trop bon, je sais, merci. Ah ouais, attends, il y a un message des mignons, Toff, pour toi là. Voilà, c'est tout ce qu'il veut dire. Merci les mignons. Exactement. Bon, ben Julie, bravo à toi en tout cas, tu restes bien au standard, on prend tes coordonnées. Et oui, t'as mis le hashtag Mickaël pour faire un top tweet ce soir? Ouais, bon. Je retweet. Parfait, continue alors, c'est bien. Bon, ben gros bisous Julie. Merci, bisous à tout le monde. Salut. Et Hakim, oui. Évidemment, tu as perdu, lamentablement. C'est pas grave. Bah c'est pas grave, tu retentes ta chance quand tu veux, demain si tu veux, maman. Y a pas de problème. Si tu penses que tu peux tenter de gagner et que personne trouve la colle du jour, eh bah écoute, pas de problème Hakim. Bah salut Hakim. Bah salut Mickaël, salut. Allez, toute l'équipe. Salut Hakim, à bientôt. Ciao à toi. Et on va récupérer Romain maintenant, Romain, Fred et Laura. Par rapport au puceau, il y aura Raphaël aussi dans un instant. Et donc Romain nous avait appelé parce qu'il a 26 ans, il est toujours puceau, il a été avec une meuf. Enfin il a pas été, il a voulu sortir avec une meuf à l'époque et bon bah ça s'est pas fait, elle l'a ridiculisé, depuis il est bloqué. Alors Fred qui voulait donner son avis aussi, qui appelle de Lyon là, le 69. Ouais, salut à tous. Salut Fred, 22 ans. Ouais, 22 ans à Lyon. Alors qu'est-ce que tu voulais ajouter toi? Ouais, donc en fait, moi j'avais pareil, j'avais un pote, donc il était toujours plus haut, mais lui à 30 ans. Ouais. Donc encore plus loin. Et du coup, en fait, avec des amis, on a essayé de le coacher, mais impossible, impossible. Et du coup, avec un pote, on n'a pas été dans morte, on a été enlevé voir une prostituée. Et du coup, ça a marché. Après, il est devenu le Don Juan phénoménal. Ah, ça l'a débloqué. Ça l'a débloqué directement. Ah ouais, ouais, pourquoi pas après, hein, c'est vrai. Donc, et du coup, après, maintenant, il a toutes les filles qui va s'éclater. Ah ouais, carrément. Donc, tu te sentirais, toi, Romain, d'aller voir une prostituée ou pas? Non, pas trop, je préfère plus avoir romantique quand même. Ouais, ouais, non, mais après, mais voilà. Ouais, mais après, il y a des fois où il y a des mains mortes, hein. Oh, toi, Tof, c'est le pire. Si tu le sais pas, c'est genre, tu payes la prostituée pour qu'elle soit une comédienne. Mais oui. Tu prends une call girl sur internet, tu lui dis voilà, écoute, ton job, c'est de le séduire, enfin, c'est, tu vois, de te laisser séduire et d'y aller, quoi. Ouais, ouais. Voilà, ils sont pas contents, les mignons. Mais oui. C'est une bonne idée, les mignons, je suis pas d'accord. Oui, bah, visiblement, eux le sont pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Laura, toi, donc une fille, on va prendre la vie des filles. Oui, les filles, venez donner votre avis. Dites que j'ai raison, les filles. Ou pas, Laura. Oh non, je préfère, ce serait mieux qu'il attende plutôt. J'aurais préféré qu'il attende, qu'il aille voir une fille. Ouais, mais Laura, en même temps, qu'il attendait un petit peu, c'est-à-dire qu'il a 26 ans, c'est-à-dire que... Il a déjà passé le quart de sa vie, hein. Après, il y a toujours des filles qui l'ont jamais fait. Après, il arrivera pas, hein. Alors attendez, à la fois, ouais, 40 ans, toujours puceau, ouais. À 40 ans, à la limite, mais à 26 ans, il a encore le temps de trouver une fille, je pense qu'il doit... Ouais, je sais, mais déjà, regarde, s'il ne débloque pas à 26 ans, est-ce qu'à 35 ans, il se débloquera encore? Il va pas attendre que la fille vienne vers elle. Mais non, mais s'il trouve une fille qui est bien, une fille avec qui ça passe bien, le courant passe bien. Ouais, mais je veux dire, généralement, voilà. Bon, généralement, maintenant, c'est comme ça. Hein. Bon, après, c'est sûr qu'il s'y prend comme il a fait tout à l'heure. S'il s'y prend comme un pied, ouais, c'est clair qu'il n'y arrivera jamais. Ça. Ah bah, s'il a essayé comme tout à l'heure, parce qu'il y a Victor qui dit la drague sur Britney Spears. Michael, tu me tues. Ouais, bon, mais après, ils étaient dans un bar, hein, ils étaient pas en discothèque ou dans un truc romantique. Ouais, mais c'est voilà, pas ça. Déjà, faut qu'il décoince plus, quoi. Faut qu'il soit moins détressé. Romain, réponds à ma question aussi. Toi, si jamais tu tombes sur une fille qui entreprend tout, ça pourrait aller ou ça va pas non plus? Allez, ça va aller, hein. T'es sûr? Genre, si c'est... Oui. Genre, tu draguais Laura, si c'est elle qui avait fait... genre, elle vient t'accoster, elle vient parler avec toi, ça va aller ou tu vas aussi rester... je sais plus quoi dire. Ben, je pense que ça sera plus facile si la fille fait le premier pas, peut-être. Parce que je suis un peu timide aussi, peut-être que c'est... Après, ça fait pas tout, hein. C'est parce que parfois, justement, tu te dis, oh, mon Dieu, elle fait le premier pas, pourquoi? Elle va se foutre de ma gueule, en fait, tu vois? Tu m'as dit après il faut y aller cash, hein. Ah bah à un moment il faut y aller, hein. Mais c'est ce que je disais au début, hein, Romain. Tu diras Fred ou Laura si vous pensez que je me trompe, mais il y a un moment tu perds rien, c'est-à-dire que tu sais que t'auras rien. Si tu tentes, au mieux t'as quelque chose. Au pire, bah t'auras rien non plus. Ouais, c'est ça, après, je veux dire, si tu vas pas la voir, après tu restes coincé devant elle comme un morceau de bois, tu iras jamais. Comme un morceau de bois. Tu la trouveras jamais ta meuf, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Je veux dire, après, c'est pas elle qui va venir à tes pieds dire, ouais, j'ai envie de t'embrasser, c'est à toi d'un peu de bouger tes fesses et tu y vas, quoi. Ben voilà. Et attends, sinon, il y a Raphaël aussi, qui est là de Châteauroux. Salut, Raphaël. Ben, salut. Comment ça va? Bah ben, bien, j'ai niqué il y a 3 heures pour la première fois. Bienvenue au club. Ça y est, j'ai encore écouté moi, attends. Voilà, bravo, tiens, musique de dépucelage il y a 3 heures. C'est ça. Eh non mais c'est bien là, dis donc, avec ta copine ou juste comme ça là? Non, avec ma copine, ça fait 9 mois. Ah ben c'est bien, bravo, vous êtes sorti couvert, rassure-moi Romain. Ouais, j'espère. Comment ça t'espère? Tu te souviens, t'as mis une capote pas. Quand même. J'avais un peu la gueule de bois. Non, à 15 piges, bah d'accord. Mais t'as quand même ça m'a un peu aidé pour venir, sinon elle était pas trop ok. Mais t'as quand même mis une capote? Bah oui. Ah bon, bah d'accord, donc vous êtes sorti. Non, je te demandais pas si t'avais mis un pull, hein. C'est la question, c'est de savoir si t'avais mis une capote, voilà. Tout ça, hein, ça fait... Ah ouais, top romantique. Ah, ouais. Ah bah ça m'a aidé à venir, hein, parce que sinon j'étais pas bourré là, j'aurais pas pu. Hein. En fait, sa copine, c'est un gros cajou, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Ah ouais. Bon, et donc du coup, Raphaël, comme toi tu y es arrivé à 15 ans, est-ce que t'as un conseil à donner à Romain qui en a 26? Bah ouais, il faut une annonce sur le bon camp, cherche plus celle de plus de 10 ans. En même temps, il a pas tort, hein. Une annonce sur le bon coin. Bah ouais, t'imagines. Bah, je crois qu'elle est retirée direct en même temps. Hein. Oh, faut voir, hein, il laisse des trucs bizarres, hein, sur le ouais, bon coin. Ouais, c'est vrai. Il y a Paul aussi qui avait laissé un message sur Facebook. Mec, c'est pas la peine de te pourrir la vie juste pour une meuf. Tu peux encore retrouver la bonne, t'inquiète pas. Il y a Brandon qui dit, moi, j'ai 18 ans, bientôt, et je l'ai jamais fait non plus. Je suis coincé. Voilà les conseils de Toff et Polo. J'adore, je retiendrai juste le faut leur mentir. C'est Denis qui avait envoyé le message. Et alors, Greg qui dit, va t'en, t'es pas obligé d'avoir un gosse. Tu disais, excuse-moi, Fred. Il faut savoir bien mentir après pour pas qu'elle nous la fasse à l'envers derrière. Mais non, mais mentez pas, soyez honnête, c'est tout. Si ça paye, ça paye. Ouais, ça voilà, paye faut y aller cash. Ouais, après, ouais. Je veux dire, un râteau dans sa vie, il y en a plein qui s'en prennent des carnets, c'est râteau. Moi, je trouve que t'as raison, Mickaël. Aller voir une meuf et lui dire, bon, écoute, j'ai juste envie de te baiser ce soir et après, je vais te lâcher comme une merde. Ça marche c'est super ça. Bien pour la draguer. Mais non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Mais bon, mais écoute, en tout cas, quoi qu'il en soit, tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant, Romain. Oui, alors. Un conseil aussi, si par exemple il va en soirée ou des trucs comme ça et qu'il voit une fille et qu'il vise pas une fille, quand elles sont en groupe de deux, ça sert à rien. Parce que la fille, elle va toujours dire je vais pas laisser ma copine et tout. Qu'il vise des filles ou qu'il soit à plusieurs, comme ça il peut toujours se prendre la part avec une fille. Quoi. Ouais, ça aussi, ouais. Conseil, ça. Attends, il y a Sarah aussi qui est là de Melun, 18 ans. Salut Sarah. Salut. Comment vas-tu? Bah ça va, merci. Et toi, ça va? Bah tranquille, hein, Sarah. Pépère, là, dis donc. T'avais un conseil à donner à Romain? Bah en fait, moi, ce que je voulais lui suggérer, c'est soit par exemple, je pense qu'il devrait aussi être un petit peu plus ouvert parce que je pense qu'il y a des meufs qui, ça se trouve, elles font des gros appels et lui il voit rien. Oh, ça c'est possible aussi. Hein, Alors il y a ça et il devrait peut-être essayer. Moi je suis sur Adopte un mec et je vous jure là-dessus tu tarots comme un malade. Hein. Je te jure. Hein. Ah. Tarot. Et tu tarots combien de mecs à peu près? Ouais, à peu près combien, Sarah? Alors moi dans ma sex list j'ai. Dans ma sex list 7 mecs d'Adopte. juste Sarah, comme ça, juste pour bien se rendre compte, comme on n'a pas tous adopté un mec, combien tu mesures? Combien je mesure? Je mesure 1m67. Et combien tu pèses? 71 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 95D. Et B comme Denise? Ouais. Ah oui. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Le dernier, attends, je regarde. Je crois que c'est 40. Presque 40, d'accord, ok, très bien. Parce qu'il y a des presque tailles maintenant, tu vois. Ouais, c'est ça. Sarah. Non, mais je crois que c'est 40 en fait. Ouais. D'accord, c'est ok. C'est un 40 trop grand. Non, quoi. Mais c'est pas mal, moi je veux bien venir dans ta sex list hein, d'adopte un mec. Inscris-toi, tu sais, l'inscription c'est 1€ par jour pour les mecs, c'est nous les meufs, c'est gratuit, on a de la chance. Ah ouais, en fait, elle a les actions chez adopteunmec.com. Mais n'empêche, tu peux essayer, Romain, pourquoi pas, tu sais, au pire, ça te fera perdre 2-3 pièces, quoi. Non, mais au moins, il peut s'entraîner aussi avec les nanas justement du site. Ouais, ça aussi tu peux essayer, ouais. Comme ça tu t'entraînes. Et en plus, comme au départ, t'as plus des rapports avec les meufs, comme tu les vois pas et tout, t'as plus des rapports par texto et tout, donc t'es obligé de discuter avec elles, donc t'as rarré, tu t'intéresses à elles, machin. Oui. Et tout c'est ça. Plus facile. Ouais, voilà, ouais, ça devient plus facile après. Et il y a John aussi sur Twitter qui vient de dire, c'est quoi ce délire de sexlist sur Adopte un mec, elle décolle ou quoi? Bah non, apparemment pas. Hein. Bah non, attends. Non, c'est à dire quand même que ça aurait été un mec qui fait ça, un mec qui pécho, c'est un beau gosse, machin. Là, on trouve chelou que le mec soit puceau, alors qu'une meuf aujourd'hui qui est pucelle, on va dire, ah, c'est bien, elle se respecte. Ouais, c'est vrai aussi, t'as pas tort, voilà. Ça. Ouais, mais c'est généralement, clair. Un mec, il le fait pas parce qu'il se respecte, tu vois. Ça c'est... aussi, ça aussi. Ouais. Pas, hein. En général, c'est ça, il se respecte pas, il a juste du mal. Je veux dire, ça t'aurait surpris si c'était une meuf qui avait appelé ce soir et qui aurait dit, voilà, moi je suis pucelle, machin, tu aurais dit, elle est cool ta vie, tu vois. Oh, bah, t'inquiète. Un tof il aura des galets là, hein, du genre, t'inquiète pas, je vais te rendre service. Moi je vais te la rendre plus cool encore ta vie. Voilà, c'est ça, ouais. Mais bon, malheureusement, tof n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que c'est un. Voilà. Bon, et ben Sarah, merci à toi en tout cas. Merci à Laura également d'être passée. Gros bisous les filles. Bisous. À bientôt les filles. Ah tiens, tant que vous êtes là, bah bougez pas, tiens. Je vous propose deux sons là qu'on va passer tout à l'heure. Il y en a un des deux qui va vous kiffer, que vous kiffez plus que l'autre. Alors, Yardou, elle avec Apollo. Voilà. Et puis sinon, je vous cale aussi, il y a Britney Spears aussi avec Oh là là, tiens, je voulais passer, tiens. Hardwell pour Laura, Hardwell pour Sarah. Eh ben, ce sera Hardwell, alors pas de problème. Pas de souci, on va vous le mettre dans un instant. Ben, gros bisous les filles, salut Romain, bisous, salut Fred. Salut, bonne soirée, continuez allez. Comme bonne soirée, et puis. Eh ben, c'est gentil Fred, c'est gentil Laura aussi. Gros bisous. Bisous. Bonne soirée à tous. Bisous. À bientôt. Bye bye. Eh ben Romain, bon courage pour la suite avec tes meufs et puis surtout tiens-nous au courant. Et aussi si vous êtes intéressé par Romain, n'hésitez pas, hein, vous envoyez votre SMS, vous envoyez Mickaël au 74 900 pour la France et au 30 44 pour la Belgique. Et donc écoute, on transmettra avec plaisir Romain. Salut Romain, à bientôt. Allez, ciao à toi, bye bye. Et puis dans un instant, on va revenir avec vous toutes et vous tous. On aura aussi dans un instant, notre nouveau jeu, le Chéri, je peux te faire cocu. Oui. Chéri, je peux te faire cocu avec Joanne qui était passée hier soir dans l'émission, qui voulait jouer. On va appeler sa meuf dans un petit instant. Et puis on va aussi faire la teinture de taf là. Non. Bah si, on va la faire la teinture de Toff là, voilà. Et puis tout le monde sur Twitter et sur Facebook également, hein, n'hésitez pas, on avait posté la photo de Lady Gaga tout à l'heure qui est nouveau en mode nu, puis il y a un message aussi de Jesse Beach qui dit j'admire Lady Gaga, j'aime beaucoup son style, Gaga est une œuvre d'art elle-même. Voilà, tout simplement. Bah écoute, elle a l'air de kiffer Lady Gaga. En tout cas, il y a Lady Gaga en mode nu sur le Facebook, allez voir, laissez vos avis, vous la trouvez belle pas belle, trouvez ça bien pas bien, bah vous laissez tous vos messages évidemment facebook.com/mikl officiel. Allez, c'est parti. Le son d'Hardwell qu'on écoute maintenant sur Fun, Hardwell avec Apollo et bonne soirée, on est en direct jusqu'à 23h. C'est Fun Radio, allez hop, venez parler avec nous si vous voulez, ce soir on est là jusqu'à 23h. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. Exactement, c'est le numéro à composer si vous voulez nous joindre. Vous pouvez y aller jusqu'à 23h, il est open. Il y a Sandro qui est au standard, il n'y a pas de problème. Il y a des messages aussi d'Alan sur Twitter qui dit ton émission gère grave. Attends, c'est quoi? Grave à voir Sandro au. Mais il n'y a pas la suite du message, c'est dommage. Alan au téléphone j'imagine. Balancer sa sexlist en live, c'est beau. C'est Johan qui avait envoyé le message. Trop fort le mec puceau à 26 piges. Bon conseil d'aller sur le bon coin là. Et effectivement c'est une bonne idée, ouais, pourquoi pas. Bon allez, continuez à balancer vos messages. Top tweet, hein, Mikael. Vous mettez le hashtag Mikael sur Twitter. Prévenez vos potes, etc. pour qu'on soit top tweet ce soir là avant 23h. Je compte sur vous, vous prévenez vos potes, vous prévenez votre famille, vous prévenez tout le monde, même le chien. Il faut qu'il, qu'il fasse le hashtag Mikael. Et donc, même s'ils connaissent pas l'émission, c'est pas grave, vous dites c'est pour rendre service. Bah, moi d'ailleurs, je vais aller demander à mon chien de faire voilà, un Twitter direct. Mais tu peux demander à ton lapin parce que j'ai vu que t'avais un lapin maintenant sur Instagram. Oui, j'ai Franfoluche. Quelle horreur. Ah, il a une tête bizarre en plus, le lapin de Toff. Non, c'était pas mon lapin. Ouais, enfin, il est chez toi là. En fait, je suis gardien du lapin pendant 15 jours. Mais tu t'es mis encore dans une merde, toi. Ah, ouais. Voilà, elle s'appelle Franfreluche, la mère. Franfreluche. Mais d'où ça sort ce prénom? C'est clair. Oh là là, il a un lapin, c'est là. Je te permets pas, il est super mignon le lapin. Ouais. Ah, c'est mignon les lapins. Mais ça chie partout, quoi. Ah, oui, ça aussi, effectivement. Pas du tout, il est très propre. Il a sa litière, il sait où aller chier. C'est génial. Bien sûr. Bon, ah, énorme. C'est Olivier qui est avec nous maintenant. Donc on l'avait eu en début d'émission. Olivier, tu es là? Oui, je suis là. Bon, bienvenue à toi Olivier. T'appelles du territoire de Belfort donc. Et tu as 18 ans. Et tu nous avais appelé parce que tu étais persuadé que ta copine te trompait, c'était ça? Oui, j'en suis sûr même. Bah, alors explique un petit peu comment t'en es certain. Ben, parce que pendant 8 mois on était ensemble, tous les jours ensemble et tout. Et du jour au lendemain, petit à petit, elle s'écarte de plus en plus, et après, du jour au lendemain, je la vois de moins en moins. Elle s'écarte de plus en plus, ça n'a pas de rapport avec vos relations sexuelles. Non, ça n'a rien à voir, Toff, là, oh là là. Bon, non mais elle s'écarte de plus. Déjà, t'es avec elle depuis combien de temps? Ben, là, en ce moment, je sais pas si on est encore ensemble ou pas, c'est pour ça. Ah, tu sais pas, ah oui, d'accord, ok, ouais, mais enfin, faut peut-être lui demander. Oui. Mais depuis combien de temps est-ce que vous sortez ensemble? Ben, depuis septembre. Depuis septembre, ah, d'accord, oui, ça va faire un an, quoi. Ouais. D'accord. Et donc au début ça allait bien, puis au final elle a commencé à. À vous séparer quoi, entre guillemets. Après, parce que j'ai grillé une photo avec un gars, mais après elle me disait que c'était rien. Ouais, mais boîte, après, alors, attends, c'est pas parce que tu fais une photo avec un mec en boîte que d'office tu sors avec lui. Bah ouais, hein. Moi c'est pareil, je déloge des meufs et je dis à mes meufs c'est rien. Mais arrête ton cinéma, tu déloges pas du tout, Toff. Pour moi je suis jaloux, tu vois. Non mais que tu sois jaloux c'est une chose, mais c'est pas. Fais gaffe parce que la jalousie au final c'est ce qui va te faire perdre plus vite ta meuf que prévu, hein, à force de prendre la tête. J'aimerais bien tester. Ah tu veux, tu veux tester. Bah tu veux quoi? Tu veux que. Bah tu veux qu'on essaie de l'appeler pour essayer de là pour voir si elle irait bien voir ailleurs. Ah d'accord, ok. Bah alors imagine, parce que après le coup de l'appeler, bon ça peut ou ne pas marcher, mais si la meuf elle est un minimum intelligente, elle va sentir le coup fourré, hein. Son téléphone sonne, un inconnu l'appelle, tu vois. Ouais mais après faut dire que ça vient de gueule d'un pote à elle. Ouais non mais voilà, moi après je dis pas le contraire hein, mais c'est juste que c'est pas du sûr à 100% quoi. Ouais mais. Et quand tu lui poses la question, quand tu lui demandes, quand tu lui parles, quand tu lui dis voilà écoute, qu'est-ce qui se passe, machin, j'ai l'impression qu'on s'éloigne l'un de l'autre, qu'est-ce qu'elle répond? Elle me répond pas. Ah, donc tu lui poses la question et tu restes dans le vent. Ouais voilà. Ah bah c'est intéressant tiens. Tu veux pas qu'on l'appelle? Elle a l'air cool ta meuf hein. Ah elle a l'air vachement sympa, là. En termes de discussion, vous devez bien vous marrer hein. Ah oui, je pense. Ah bon, putain, bah oui. Bon, et vous vivez pas ensemble? Non, on vit pas ensemble. D'accord, c'est déjà ça de prix. Et toi, t'es encore amoureux d'elle? Non, je suis fou d'elle. Non, mais attends, il y a une différence. Est-ce que t'es amoureux d'elle ou est-ce que t'as juste pas envie de la voir avec un autre? Je suis amoureux d'elle. D'accord, ok. Bon, bah écoute, visiblement, elle pas des masses, hein. Sinon, vous verriez. Sauf si tu lui prends la tête à un point où elle a plus envie, quoi. Parce que si à chaque fois que tu vois sa tête, parce que si à chaque fois que tu vois sa tête, tu ouais, tu m'as trompé, c'était qui ce mec, et pourquoi t'es fait des photos avec lui, pourquoi? Ça, je dis pas comme ça, je me dis une fois comme ça, je dis ouais, c'est qui ce gars là, c'est tout, je dis comme ça. Après, ouais, j'ai pas parlé avec elle spécialement du gars. D'accord, ok, non, bah si juste une fois ça va. Bon, qu'est-ce que vous en pensez les filles? Donnez vos avis aussi, tiens. 01 42 48 5000, vous nous appelez où que vous soyez en France, ou alors 02 851 4x0. Est-ce que vous êtes déjà, est-ce que vous avez déjà trompé votre copain, votre copine? Est-ce que vous vous êtes déjà fait griller? Comment est-ce que vous réagissez quand votre mec est un peu jaloux? Est-ce que vous trouvez ça cool? Est-ce que vous trouvez ça chiant? Moi perso, ça m'emmerde au plus haut point, quoi. Quand on pose une question, ça va, mais si ça commence à venir la police, et pourquoi t'as fait ci, et pourquoi t'as fait ça, et machin, tu vois, c'est chiant. C'est comme les gens qui disent, ah, mais c'est une preuve d'amour, la jalousie. Ah non, c'est une preuve de connerie. Ouais, ça dépend si c'est dans l'excès après. Ah ouais, tu peux pas construire un couple avec ça. Ah non, mais moi, je pourrais pas. Hein. Moi, je déteste ça, je suis pas jaloux, mais il faut pas non plus que ça marche dans le. Enfin, il faut que ce soit pareil dans l'autre sens, quoi. Le pire, c'est que c'était elle qui était jalouse au début, mais elle était jalouse, comme vous dites, presque comme ça. Ouais. Ça a été moi, puis après, ben, il n'y a plus trop de jalousie, ce qu'on se faisait. Ah, mais ça, par contre, c'est bizarre. Si tu lui as rien dit qu'effectivement, elle était jalouse et que tout d'un coup, elle est plus jalouse, peut-être que faut se poser des questions et, ouais, peut-être que. Elle va voir ailleurs. Peut-être que ça pue un peu, ouais. Peut-être pas voir ailleurs, mais en tout cas, peut-être qu'elle t'aime plus, hein. C'est possible, hein. Ouais. Bah ouais. À partir de quand ça a commencé à partir en sucette? Fin avril, début mai. Ah oui, quand même. Et quand toi, tu lui donnes, si t'essayes de le plan, je lui donne plus de nouvelles, hein, pour voir si elle te recontacte. Ça, ça peut marcher. Ça, c'est fait, ça. Non, ça marche pas. Ah ouais, ah non, bah c'est toujours chaud, moi, hein, qui reviens. C'est toujours moi. Bah, laisse tomber, ah, hein, ouais, c'est mort. Ah ouais, bah prends directement, bah pioche l'autre carte, hein. Mais t'as pas dit que c'était fini? Ben non, elle m'a pas dit que c'était fini, mais elle me dit rien, en fait. Ah, t'as gardé sous le coude au cas où, quoi. Ouais, je crois bien. Bah, c'est de temps en temps, elle a besoin de se faire décapsuler, donc du coup, elle va le voir, quoi. Bah, c'est ça. Mais, elle empêche le bouche-trou, hein. Ouais, mais c'est ça, ouais. Bon, écoute, ce qu'on va faire, Olivier, c'est qu'on va prendre toutes les infos, hors antenne, là, genre, ses potes, de qui on pourra appeler, enfin, je sais pas, pour essayer de voir un peu, comment l'appeler, et quoi lui dire pour qu'il y ait des chances que ça marche. Et puis, et puis après, on va essayer de l'appeler, si tu veux, ouais. Bah ouais, je suis on va essayer, sauf si tu veux l'appeler toi pour essayer de lui parler, mais à mon avis, je pense que si elle te répond pas déjà un peu normal. C'est ça, vous, ouais. Ah mais c'est pour. Que ce soit clair, hein, nous si on l'appelle, c'est sûr que c'est mort. Hein. Ben essayez. Oui, non, mais si tu veux, mais je veux dire, je préfère qu'on te prévienne, parce que si après tu me dis ouais, mais je comprends pas, moi je m'attendais à ce que vous résolviez le problème et qu'en fait c'est pire qu'avant, non, bah oui. Non, il y a de fortes chances que ce soit pire qu'avant. C'est pas pour régler le problème, c'est juste pour voir. Ouais, d'accord, ok. Mais voilà. C'était juste, je voulais juste que tu sois certain, hein, que tu saches que ça pouvait être pire qu'avant. Mais d'accord, ok, très bien. Mais comme que ça c'est peut fait. Déraper. Bah, exactement. Il y aura pas pire de toute façon. Ouais, bon, bah écoute, bah Olivier, ce qu'on va faire dans un instant, tiens, justement, c'est un truc qu'on pourrait faire aussi, tiens. Bon, là, aujourd'hui, on a déjà quelqu'un, c'est qui va jouer avec nous. Chérie, je peux te faire cocu. Ah ouais. Mais attends, mais on est cons en fait. Olivier, écoute bien le jeu qu'on va faire. Et je pense que ce serait bien de faire le jeu, parce que comme ça, au moins, si tu perds ta meuf, t'auras au moins gagné un cadeau. Ben voilà. Ça paraît pas mal. Écoute, ouais, reste beau. Là Olivier, on va faire ça dans un instant. Tu bouges pas de là? Oui, oui. Bon, il y a Laurent qui voulait réagir aussi dans un instant. T'es déjà là Laurent? Ouais, ouais, je suis là. Bon, ben sois le bienvenu, tu vas réagir dans un instant face par rapport à Olivier. Plutôt, tu restes là? Ouais. Bon, bah bouge pas, et puis on aura Sébastien aussi qu'on a eu en début d'émission, qui a deux voix là, il a pris les hormones, et du coup, il y a un petit problème de voix. Toujours là Sébastien? Oui, toujours là. Voilà, je confirme, effectivement, il y a un petit problème de voix. Donc Sébastien, je sais pas pourquoi tu dis ça. Reste avec nous, moi non plus. Reste avec nous, on va se faire le chéri, je peux te faire cocu, et on te reparle juste après, d'accord Seb? Parfait, ça marche. Parfait. Et puis attention aussi, évidemment, nous aurons la teinture de Toff. Hein. Anissa, t'es pour ou contre la teinture de Toff, qu'on mette ses cheveux en couleur fun? Pour. Parfait. Merci Anissa, merci. T'as bien raison Anissa, on va faire ça dans quelques instants, donc tu restes là Anissa? Bien sûr, oui, je reste avec vous. Mais pourquoi tu fais cette voix comme ça, Anissa? Non, hein? Parce que je suis contente d'être là. Mais on est très content que tu sois là également, Anissa. Mais oui, moi-même, je suis très touché que tu sois venu ce soir. Toff, ah. Oui. J'ai un message d'Anissa. Voilà. Ah, merci, Anissa. Tout est dit, je pense, hein, des mignons et d'Anissa. Bon, tu restes avec nous, Anissa, on va te reprendre dans un instant. D'accord. À tout de suite, Anissa. Bon, on fait ça dans un instant. On aura aussi, comme promis, le chéri, je peux te faire cocu. Et puis, comment ça se passe là au niveau du hashtag et Mickaël, Toff, là, t'as checké ça? Ça se passe très bien. Non, mais quoi, on est pas encore en top tweet? Non. Oh non, moi je pensais que je pouvais compter sur vous là. Allez. Non, mais ils ont pas prévenu assez d'amis, c'est pour ça. Mais c'est ça, voilà. Bon, allez, hashtag et Mickaël, maintenant, je compte sur vous. Et puis, vous envoyez tous vos messages, tous vos potes, vous les envoyez sur le Twitter de l'émission. Donc, ils envoient tous un petit message, hashtag et Mickaël. Ils tweetent, ils retweetent, c'est le principal. Je compte sur vous. Bon, on se fait dans un instant le chéri, je peux te faire cocu. Et puis on va se faire aussi le son de Martin Garrix, hein, c'est celui-là aussi qui a remporté haut la main au niveau des votes là, sur le Twitter. C'est normal, il est super bon, ce son. Voilà, c'est celui-là qu'on va écouter dans un instant, Martin Garrix sur Fun Radio avec Animals. Ça va arriver dans un instant sur Fun. Et puis si vous voulez nous envoyer vos messages, vous pouvez le faire également par SMS. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 74 900. 20h, 23h. Sur Fun Radio. Et on est exactement, on est en direct sur Fun Radio. J'étais paumé là. Et message qui est arrivé de Fabien qui dit je vous écoute tous les jours, même au boulot, il y a que du bon son qui motive. Voilà, bon courage Fabien, je veux bien son lapin moi. Ah, c'est pour le manger chez Johan qui dit ça, à la broche et au barbecue. Ah, c'est dégueu. Lapin, comme il avait envoyé comme message. Fanfreluche. Bon, allez, continuez avec vos messages et le top tweet aussi. Hein. J'attends qu'on soit top tweet là ce soir, je compte sur vous. Vous prévenez vos potes, vous prévenez vos amis, la famille, peu importe. Vous mettez hashtag et Mickaël évidemment pour balancer ça sur Twitter, je compte sur vous. Dans un instant, retour avec Olivier là, qui est persuadé que sa meuf le trompe. On va faire ça dans un instant, donc restez bien là. Et puis on va aussi se faire le chéri, je peux te faire cocu. Premier chéri, je peux te faire cocu de ce soir. J'espère qu'il sera bon. On fait ça dans un instant. Et le temps de s'écouter le son qui a été archi demandé sur le Twitter ce soir là, avec le hashtag Mickaël, le son de Martin Garrix avec Animals, jeune DJ de 17 ans. Hein. Ça m'étonne pas qu'il soit beaucoup demandé, surtout par les demoiselles, tiens. Mais DJ, le son est 17 bon, ans. Le son est bon, ça n'a rien à voir. Et en plus, le son est bon, effectivement, ce qui ne gâche rien. Sur Fun Radio, Martin Garrix maintenant, c'est Animals. Bonne soirée avec Fun. Appelez Mickaël. Nos limites. 01 42 48 5000. Et ouais, on est en direct sur Fun Radio avec plein de messages qui sont arrivés. Là, il y a Thibaut qui dit j'ai prévenu les autorités, c'est inadmissible que le hashtag Mickaël soit pas en top tweet à cette heure-ci. Merci Thibaut, c'est gentil. Ouais. Et encore des messages qui sont arrivés aussi par rapport aux pirates. C'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure. J'ai été piraté une fois sur mon Facebook. À la place de ma photo de profil, quelqu'un a mis une tête de cochon. Bah, c'est Alan qu'on avait eu en plus. Très bien, bah voilà. Alors, c'est nickel, on est à jour. Bon, dans un instant, comme promis, récupération de Olivier, on va essayer d'appeler sa meuf et avant toute chose évidemment, eh bien nous allons faire maintenant le chéri, je t'ai fait cocu. Non, chéri, j'ai oublié le nom, dis donc. Chéri, je peux te faire cocu, hein, dis donc. J'avais confondu. Chéri, je peux te faire cocu, ce soir c'est le premier. Et on va donc accueillir Johan qui est avec nous. Comment ça va? Ça va bien et vous? Eh ben ça va plutôt bien. Johan qui est avec nous hier soir et donc il sera le premier à passer ce soir du coup pour ce magnifique grand jeu. Hein, ouais. On a fait tout un sketch hier soir. Hein, avec de grands acteurs. Avec de grands acteurs. Il y avait Toff, il y avait Sandro, il y avait moi-même. Pour le chéri, je peux te faire cocu. Le concept est donc le suivant, je te le rappelle, Johan. Au cas où. Donc le concept est simple, on va donc appeler, en l'occurrence, on va prendre ton exemple, ta copine. Tu vas lui dire que t'es sorti en boîte ce week-end, par exemple, hier soir, enfin peu importe, tant qu'elle le croit du moins, et tu vas lui dire que t'as rencontré une meuf qui voulait coucher avec toi. Toi t'as répondu parce que t'es quelqu'un d'honnête, évidemment, que t'étais déjà maqué, mais que si ta copine était d'accord, éventuellement ce serait possible de faire un one shot. La meuf qui t'a chauffé, donc ce sera Sandro ce soir. D'accord. Voilà, c'est ça. Et donc si elle accepte, ça veut dire que c'est open bar, hein. Tu peux aller ce soir dans une boîte et puis te taper la première qui passe. Bon, il y a peu de chance en théorie. Après, je sais pas quel est le style de relation que vous avez, mais on est amoureux. Hein. Ça fait 3 ans et demi qu'on est ensemble. Oh, donc vous êtes plus amoureux, quoi. Donc c'est fini, quoi. Ouais. Non, c'est toujours autant amoureux l'un de l'autre, etc. Enfin, pour ma part, après elle, je sais pas, mais je pense que oui, vu qu'on envisage de se mettre en couple, etc. Il y a un mec qui dit l'amour dure 3 ans, hein. Moi je dis paraît-il. Ça. Ça fait 3 ans et demi, donc si t'as passé ça, ça va, il faut arriver au 7 après. C'est ça. Après, en tout cas, je te le souhaite. Je te le souhaite. Bon, écoute, on va donc l'appeler, donc normalement elle va gueuler, hein. Ouais, il y a des chances, il y a énormément de chances qu'elle gueule. Voilà, en théorie, elle va gueuler. Donc, alors, c'est quoi l'histoire en fait? T'es sorti en boîte récemment ou... Non. Hier soir. Ça peut être un bar, hein, on dit une boîte, mais ça peut être n'importe où au final. Hein, Quelqu'un de ton travail aussi. Hein. Ouais, ça peut être ton boulot. Une nouvelle arrivante. Voilà. Après, c'était hier soir en fait. Le dimanche, habituellement, je fais de l'airsoft. Et hier, j'ai mon meilleur ami.

Annie. Oui. C'est Mickaël, t'es sur Fun Radio. Oui. Mais oui, ça va, c'est le premier en plus là. C'est chéri, je peux te faire cocu. Bon, visiblement, ça n'a pas bien marché. Hein. Oui. Oui, c'était un jeu, hein. C'était pour rire, Annie. Hein. Lui, il est chez lui, nous, on est chez nous, tout le monde est. Enfin, chacun est chez soi, quoi. Les moutons sont bien gardés. C'est ça, ouais. T'inquiète pas, tout va bien. Relax, t'inquiète pas. Mon cœur, désolé. Voilà. Il a eu cette idée comment ce coup là? Bah c'est grâce à nous hein, pour le coup c'est grâce à nous ouais. C'est grâce à des grands comiques qui ont fait un sketch hier à la radio, enfin un truc. Voilà. C'est à cause d'un gars qui a une photo de scout. Exactement, oui, tout à fait. Bon, donc voilà, Annie, donc t'inquiète pas, tu peux relâcher la pression, il y a personne. Oh. À moins qu'il ait fait ce jeu dans le but de voir comment t'allais réagir au cas où c'était vrai, mais ça je ne sais pas. Ça je ne sais pas. Dis-moi Annie, t'as quand même l'air fermée si je peux me permettre hein. Oui, bah être un peu plus ouverte quand même. Ouais, franchement t'as l'air elle est très très processive. T'as l'air un peu coincée quand même si je peux me permettre, vraiment même. Oui. Tu prends ça oui, bien sûr. Hein, nous sommes amis quoi. Hein. Bon, bon, oui, on va parce vous filer. Que tout le monde accepterait qu'il y ait une nana à moitié à poil en string chez son mec. Hein. Oui, tout le monde, c'est normal. Mais c'est normal. Oui. Bon, eh ben, Joanne et Annie, on va vous filer une caméra numérique pour vos vacances. Je sais pas si vous êtes déjà partis, mais au cas où, comme ça, vous l'aurez. Vous envoyez des photos. Encore, mais c'est génial. Eh ben voilà, et vous allez pouvoir faire des petites vidéos. Ouais. Vous nous envoyez des vidéos. À défaut de filmer avec quelqu'un d'autre, envoyez-nous les vôtres quoi. Voilà, c'est ça par exemple. Est-ce qu'elle se rend compte de la chance qu'elle a en fait? Mais tu te rends compte de la chance que t'as? Hein? Est-ce que tu te rends compte? Que t'as. Eh, le mec, je lui ai remis une patate déjà, moi, si j'avais eu le téléphone. Avec sa voix dégueulasse. Oh, bon, mais merci à vous deux, en tout cas, Annie, Johan, et puis passez une bonne soirée à l'écoute de Fun. Merci. Et merci à bientôt. À toute l'équipe. À bientôt. Merci. Bisous. Ciao. Au revoir. Attends, je vais remettre. Ah, ils étaient en pleine forme eux aussi ce soir. Ils voulaient absolument de la baston. Bah, je pense qu'il y en a eu. Hein, Mais est-ce que vous vous rendez compte de la chance que vous avez? C'est ça. Bon, il y avait Chris qui dit la phrase culte de ce soir. Elle se rend pas compte de la chance qu'elle a. Ça m'a tué. Vous gérez. Merci Chris. Moi non plus. J'en peux plus. Je suis plié. C'est Jesse Beach. Non, c'est Benjamin qui m'a envoyé le message. Elle a trop de chance. My God, ça c'est Jesse Beach. Il y a aussi Anaïs qui dit elle se rend pas compte de la chance qu'elle a. Mort de rire. Je vous écoute dans ma voiture en mangeant un McDo. Big Daddy, c'est Tania qui m'a envoyé le message. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme message, chérie, je peux te rendre cocu, génial, j'ai kiffé comment la meuf a pété les plombs. Oui, elle avait pas beaucoup de patience, je sais pas si vous avez remarqué. Oui. Je comprends pas pourquoi. Elle était un peu à fleur de peau là, je comprends pas. Bah ouais, et un autre message de Chris sur Twitter qui dit Mickaël se fait insulter, c'est abusé, elle se rend pas compte de la chance qu'elle a. Mais c'est ça, je comprends pas. Hein. Je comprends pas, vous êtes des génies, je suis mort de rire. C'est Victor, oui, mais eux ils veulent absolument. Hein. Trop bon de nouveau jeu, c'est Brandon. Grosse barre de rire aussi pour Thibaut, et puis Anaïs qui dit mon coco. Oui, c'est vrai qu'elle l'appelle à un moment mon coco. Moi, j'ai ma meuf qui m'appelle mon coco en direct à l'antenne. Je pense que je peux très mal le vivre. En direct ou pas en direct, hein. Ouais, même pas en direct d'ailleurs. Hein. Mon coco. Mon coco, tu vas revenir mon coco s'il te plaît. Quoi? Ben oui, il y a des gens qui appellent comme ça mon coco, c'est quand même assez. Je suis assez d'accord avec toi. Paul aussi qui dit c'est énorme, j'adore, merci Mickaël, quel kiff pour Fafa. Denis qui dit trop drôle. Putain, je surkiffe le chéri, je peux te faire cocu des débarres. Trop drôle votre jeu, c'est Daniel. Et puis excellent aussi pour DJ Kylian et tous les messages aussi qui sont arrivés. Sur Twitter, sur Facebook également. Bon, je pense qu'on va le refaire. Oui, ça serait dommage. Bah, ce serait con de pas le refaire, hein, je te confirme. On va le refaire la semaine prochaine, hein, si vous voulez le faire. Hein, n'hésitez pas, vous envoyez votre message, hein, vous envoyez un mail à mikael@funradio.fr. Vous m'envoyez tout ça sur mon mail. Hein, je vous répondrai, il y a pas de problème. Et puis on jouera la semaine prochaine au chéri. Je peux te faire cocu. Tu vois, ça s'est bien passé, Olivier. Là, ça aurait pu être ta meuf qu'on appelle. Comment? Je dis, ça aurait pu être ta copine en fait, tu vois, au téléphone. Ouais. Et puis ça se terminait comme ça sur une happy end à la film américaine, ouais. Tu vois. Tout le monde est content, la caméra elle arrive. Je sais pas, ça serait comme ça. Oui. Ça c'est un marrant, autre problème. Ça m'étonne pas. Ouais, c'est un autre problème. Bon, Olivier, reste là, il y a Laurent dans un instant qui voulait réagir à ton problème. C'est-à-dire que t'es persuadé que ta meuf te trompe. On aura Anissa aussi qui voulait donner son avis. Donc tu bouges pas, Olivier, on va revenir dans un instant avec toi, d'accord? Oui. Bon, et puis on va se mettre le son d'Avicii. Ouais, ce sera Wake Me Up dans un instant sur Fun Radio. Allez, bienvenue et merci tout le monde d'être là ce soir sur Fun Radio jusqu'à 23h. C'est Mickaël No Limit avec la teinture de Toff aussi qu'on fera tout à l'heure avant la fin d'émission. Hein. On va mettre sa tête en couleur du logo Fun Radio, c'est-à-dire rose, bleu et jaune. Quelle bonne idée. Ah ça va être au top, tu vas voir. Hein. Tu vas avoir une gueule avec ça, tu vas pouvoir déjà faire des ravages. Hein. Mais je sais bien, d'ailleurs, je partirai immédiatement dans les rues de Paris pour... Tu fais bien. Attraper la femme. Ah ouais, franchement, l'attraper la femme, mais n'importe quoi là, sans déconner. Voilà. Allez, restez sur Fun Radio. On revient après ça. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. 20h-23h. Mickaël. No limit. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio. Elle est venue foutre le bordel avec nous jusqu'à 23h. On va faire la teinture de Toff aussi en version couleur Fun Radio. Mais ouais, tu vas déchirer, tu vas voir. Couleur rose, jaune et bleu du logo Fun Radio, on va se mettre ça sur la tête. Enfin, on va te mettre ça sur la tête surtout. On va récupérer dans un instant aussi Olivier là qui est avec une meuf depuis presque un an. Il est persuadé qu'elle le trompe. On aura Anissa aussi, toujours là Anissa qui voulait réagir. Ouais, je suis là. Ok, nickel. Et Laurent aussi qui est là, ça va bien Laurent? Ouais, ça va. Bon, t'appelles pourquoi toi Laurent? Moi en fait j'appelle pour lui donner un petit conseil, une petite astuce pour vraiment savoir si sa copine le trompe. Parfait, bon on fait ça dans un instant. Restez là tous les deux, Olivier on va le reprendre dans un instant pareil. Et puis on va aussi évidemment donc la teinture avant 23h comme promis. On essaiera de récupérer. Enfin on va pas essayer, on va récupérer Sébastien qui a deux voix. Et on se fait comme promis le son d'Avicii maintenant. Je vous l'ai promis tout à l'heure, tiens. On se fait l'excellent son d'Avicii, c'est Wake Me Up maintenant sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde. Feeling my way through the darkness. Le DJ Fun Radio que vous retrouvez dans Party Fun, c'était Avicii à l'instant avec Wake Me Up. Et puis à la teinture de Toff qui va arriver là. Ce sera avant 23h, teinture de Toff aux couleurs du logo Fun Radio, c'est-à-dire rose, bleu et jaune, ça va déchirer ça. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. Ouais, et si vous voulez choisir encore un son, tiens, je vous le propose ce soir, il y a Carolina Marquez. Non, arrête de chanter ça directement Toff, t'es en train de défoncer la chanson là. Mais pas du tout. Mais si. Voilà, Carolina Marquez, ou alors vous choisissez aussi le son de Gilo. Je suis un très grand chanteur de salle de bain. Tu parles. Ah oui, de salle de bain, oui. Voilà, Gilo que vous pouvez choisir, ou Carolina Marquez, hein, vous choisissez l'une ou l'autre, et vous envoyez tout simplement votre message sur Twitter. Vous débutez le message par le hashtag Mickaël, tout simplement, et puis vous mettez le son que vous voulez entendre, Carolina Marquez ou Gilo. Et des messages en parlant de Twitter qui dit, il faut le refaire le jeu, c'est obligé, le chéri, je peux te faire cocu, c'est Jesse Beach, bah avec plaisir. Qu'est-ce qu'il y a aussi, Lucas qui dit, les animateurs de dingue, des auditeurs super chauds, ça s'annonce une super soirée. Eh bah ouais, même si on est quand même sur la fin là, hein. Que du bon ce soir, on n'est pas en top tweet, on s'en rend pas compte de la chance qu'on a, Mickaël. Mickaël, Toff, Sandro et Polo, bien sûr qu'évidemment on s'en rend compte de la chance là. C'est le deuxième soir que je vous écoute et vous gérez, c'est Clara qui nous découvre ce soir. Bah écoute, sois la bienvenue Clara. Et parle-en enfin, à tes potes. Et parle-en à tes potes surtout. Effectivement, là, Facebook pour voir tous les délires, facebook.com/mickaël officiel, et sur Twitter évidemment, le hashtag Mickaël. Et bien entendu sur Instagram aussi avec toutes les photos. D'ailleurs on a mis une photo tout à l'heure sur l'Instagram là où on a vu, ils ont mis une nouvelle affiche avec notre tronche, enfin surtout avec la mienne, ouais. Sur le mur de Fun devant sur la rue. Donc du coup bah comme Toff et Polo tirent un peu la gueule, ils sont mis avec moi sur la photo. On a fait du coup la photo du mur avec eux deux dessus, ouais. C'est vrai. Et puis moi j'étais très proche de Karima, j'étais, ouais, j'étais bien. C'est oui, ça. Je me suis tenté bien pendant 30 secondes. Ouais, il s'est mis bien pendant 30 secondes. Effectivement, Karima qui sera dans le Vin Fun bien sûr à la rentrée. On a bon. Impatient. Ah bah ouais, ah ouais. Moi, surtout moi. Et Abby qui dit aussi, seulement la semaine prochaine pour un nouveau chéri, je peux te faire cocu, je pourrais pas attendre. Mais si. Pour attendre. Il faudra bien. Bah de toute façon ouais. Bon Olivier, t'es de retour ? Là. Bon, tant mieux, là. Et il y a donc Anissa qui voulait réagir par rapport à toi, Olivier, donc qui est persuadé que sa meuf le trompe. Ils sont ensemble depuis presque un an, donc en septembre ça fera un an, donc ça fait 9-10 mois. Et donc du coup Anissa, donc de Mulhouse, tu nous disais, donc toi tu voulais réagir à Olivier. Qu'est-ce qui t'amène exactement ? Ben ouais, parce que moi en fait je me retrouve un peu dans son histoire quoi, puisque moi aussi je reste avec quelqu'un un certain temps, enfin pas 10 ans non plus. Ouais. Et en fait voilà, au bout d'un moment, ben en fait j'en voulais plus, clairement. Ouais. Et je lui disais pas, c'est pareil, il venait me poser des questions, tout ça, et ben je répondais pas en fait. Alors moi je pense que Olivier, ta copine, je sais pas, mais je suis désolée pour toi, mais je pense à mon avis ça doit être à peu près la même chose, elle doit pas oser te dire que... Elle a peut-être de la peine, ouais. Elle a peut-être peur de dire ouais, les choses. Je pense que à mon avis, elle veut pas te dire, ou sinon tu te trompes totalement, peut-être t'es sur une fausse route. Mais est-ce que voilà, c'est comme t'as dit, si tu sors avec elle et qu'elle veut pas que tu sors avec elle, tout ça, à mon avis, c'est mauvais signe quoi. Ouais, ça c'est. Mais de toute façon, ouais, non mais à partir du moment où vous vous parlez plus, ça pue déjà. Bah ouais, y a la plus merde. De contact, s'il y a plus de dialogue, c'est sûr que. Moi je dis c'est Anissa qui doit l'appeler. Mais peut-être, attends, ouais, mais peut-être pas. Elle va peut-être pas voir à droite à gauche. Elle peut-être, elle te trompe peut-être pas. Mais en tout cas, elle a plus l'air d'avoir envie de ce que tu nous racontes. Après, c'est, on a que ta version. Là. Attends, Anissa, qu'est-ce que tu dis, Olivier? J'aimerais bien que ce soit Anissa Capella en fait. Ça doit bien marcher. Bah si tu veux, Anissa, tu veux l'appeler? Bah oui, je veux bien l'appeler, mais je vais lui dire quoi? Bah je sais pas, t'essayes de la chauffer. Tu lui dis, tu lui dis la vérité. Tu sais pas, c'est genre comme tu sortais avec toi, je sais pas. Ah, tu veux la rendre jalouse en fait. Hein. Oh là là, le vieux plan. Par contre, tu viendras pas pleurer si elle répond. Ah, tant mieux, garde-le. Voilà, et là tu seras très content. Ce sera la vie, mais je serai dégoûté quand même. Bon, bah, attendez. Que ce soit lui qui lui parle, j'ai pas trop envie de parler. Attends, Anissa. J'ai pas envie de me mêler dans le restaurant. Anissa, attends, on va demander aux auditeurs là. Dites-nous, tiens, sur Twitter ou sur Facebook, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire? Est-ce qu'effectivement, il faut l'appeler pour essayer de la rendre jalouse en disant, même si c'est Anissa ou même Sandro qui l'appelle, on s'en fout, mais pour la rendre jalouse en disant, voilà, je suis la nouvelle meuf d'Olivier, machin chouette? Ou alors, est-ce qu'il faut l'appeler simplement pour qu'il s'explique une bonne fois pour toutes? Voilà. Donc, il y en a un où on peut se marrer, l'autre où on va peut-être pas se marrer, mais ça va peut-être plus aider Olivier. Donc, à vous de voir. Vous mettez le hashtag Mickaël, Facebook, Twitter, Instagram, tout ça. Mais par contre, là, il Ah bah il joue avec le feu complètement Olivier, parce que si jamais elle est avec personne d'autre et qu'elle a juste un autre problème parce que je sais pas, elle a peut-être un souci dans sa vie privée, non mais je sais pas, tu vois. Là tu risques. Ouais, là tu joues avec le feu. Attends, ça va être chaud parce que nous après on dira pas que c'était un canular, on te laissera dans la merde. Mais nous on va te laisser dans le caca, hein, ça c'est sûr. Hein. Et pourquoi ? Parce qu'on est des. Voilà. C'est aussi simple que ça. Bon, attends, il y a Laurent aussi qui est là, on va prendre Laurent là de Nice. Salut Laurent. Salut. Comment va ? Ça va bien. Bon, bah tant mieux, sois le bienvenu. Alors Laurent, toi tu voulais aussi donner ton avis par rapport à l'histoire d'Olivier, donc Anissa qui avait déjà donné son avis. Ben ouais, je voudrais donner mon avis, mais aussi surtout un conseil en fait, puisque bon, ben je vais pas m'en vanter, mais ouais, je me suis retrouvé dans le même truc que lui. Ah bah y a pas de quoi, y a pas à s'en vanter, hein, pour le coup, au contraire. Hein. Mais bon. Ça va. Et donc, alors comment ça s'est passé? Oui, t'as gardé ta dignité quoi. Oui, j'ai gardé ma dignité pour la bonne et simple raison que en fait je me suis trouvé plus intelligent qu'elle et j'ai questionné ce que toute une fille a sa meilleure amie. Ah ouais, d'accord. Donc je l'ai vraiment questionné, mais anonymement, au début c'était bon des questions normales, hein, qu'est-ce que tu fais de beau en ce moment et tout. Comment ça anonymement Bah il lui a retourné le cerveau, c'est ça qu'il veut dire je crois. Voilà, parce que anonymement c'est si tu lui as posé des questions et qu'elle sait pas qui t'es. Non, en gros je lui ai posé des questions anodines. Anodines, d'accord, donc tu l'as enfumé quoi. Voilà, je l'ai enfumé. Et ensuite, je l'ai posé. Une fois qu'elle était bien en conscience, je lui ai posé des questions qui avaient un rapport avec ma copine et elle a. Elle a sauté à pieds joints. Voilà, elle a sauté deux pieds dans la merde et. Et malheureusement, tu as été éclaboussé. Et ça a pué bien fort. Ouais. J'ai eu du mal à m'en débarrasser d'ailleurs. Ah oui, carrément. Pourquoi? Oui. Ben, parce que, en fait, apparemment, elle m'aimait quand même, mais elle m'avait trompé et elle n'osait pas me le dire. Mais par contre, j'ai été con, je croyais que ça faisait depuis pas longtemps, mais j'étais avec elle depuis un an et demi et ça faisait à peu près 3 mois qu'elle m'avait trompé, qu'elle m'avait jamais dit quoi. Et je le sentais que depuis 2 semaines. Ah ouais, donc elle c'était. Pour moi. Mais bah c'est ça. Donc toi aussi ça fait 3 mois que tu sens que c'est un peu tendu. Voilà. Bon, Ouais, il y a des messages qui sont arrivés aussi qui dit, il y a Chris qui dit rendez-la jalouse et si elle pète un plomb, essayez le tu te rends pas compte de la chance que t'as. Il y a Aurélia qui dit oui, il faut l'appeler Mickaël, ok, ouais. Et alors il y a Victor qui dit il pue son plan, faut arrêter, c'est pas crédible, ça va la vénérer encore plus Mickaël. Et alors Ben aussi qui dit j'espère que Toff c'est la chance qu'il a de se faire une nouvelle teinture. Non. Tu vois, tu sais pas non plus, tu sais pas la chance que t'as, hein. Non, c'est dommage. Et puis Abby qui dit aussi la rendre jalouse sera plus drôle et on le laisse se démerder car on est des. Voilà. Bon, et oui, effectivement, c'est ce qu'elle disait aussi Abby. Bon, écoute, maintenant Olivier, c'est toi qui as les cartes en main là. Hein. T'as l'avis d'Anissa, t'as l'avis de Laurent, t'as notre avis, t'as l'avis des auditeurs. À toi de jouer. Ouais, ben moi j'aimerais mieux en fait que ce soit une fille qui l'appelle et se faire passer genre. Ok, si tu veux. Tu as décidé, y a pas de problème. T'en mordre les doigts. Ça se trouve, elle s'en bat les couilles, ça se trouve. Ah forcément. Bah faut savoir si tu veux appeler ou si tu veux pas appeler. Hein. Ah bah là il veut appeler, il veut que ce soit une fille qui l'appelle pour la rendre jalouse. Bon Anissa, j'ai bien compris. Il y a aussi un plan, c'est-à-dire que je me fais passer pour un de tes collègues qu'elle ne connaît pas. Et j'appelle et je dis que tu la trompes. Et dans ces cas-là, on verra bien sa réaction. Pas mal. Ah mais alors ça, je veux juste préciser qu'une fille, hein, qu'elle t'aime ou pas, si tu la trompes, elle va rager quoi qu'il arrive. Ah, de toute façon, dans les deux cas, tu vas t'en prendre plein la gueule. On n'aura pas la réponse au final. Ouais, dans les deux cas, nous, on va se marrer. Donc, j'ai envie de dire, allons-y. Hein, mais c'est toi qui as voulu, Olivier. Hein. Moi, j'étais prévenu plein de fois. Hein, on dira pas, Mickaël, c'est l'enculé, il a laissé aller dans le mur. Non, je dirais pas ça. Sinon, on l'appelle plusieurs fois, on fait tous les plans. D'abord, c'est Laurent. Et on voit lequel est le meilleur. Voilà. On va se marier comme ça. Ouais. Elle a pris chaud, on va rien comprendre. Bon, elle alors. Tu vas avoir ta copine dans un asile dans 2 mois. Oui, aussi, et toi aussi d'ailleurs. Bon, Olivier. Oui. Bon, qu'est-ce que tu choisis? Une fille l'appelle ou alors c'est Laurent qui l'appelle comme il s'est proposé pour se faire passer pour un pote à toi et lui dire en fait en rendant service qu'il trompe, que tu la trompes. Ben, je préfère que ce soit une fille. Ah, c'est dommage. C'était bien le c'était pas mal. Laurent, c'était pas mais... mal. C'est pas trop mon truc. Mais Olivier d'ici. Ah, attention, nous avons premier avec Léo. Ouais, j'ai une dernière solution. C'est Sébastien qui peut appeler parce que comme il a une voix de meuf, mais que c'est un mec. Et on fait une pierre de coups. Hein, Sébastien? Ça, c'est bon ça. Non, t'as pas l'air chaud là à ce niveau-là, non? Non, parce que bon, je trouve que c'est un peu de la moquerie, mais bon. Oh, Sébastien, on rigole, on est en bonne vibe là, Sébastien. Oui, là. T'inquiète. Moi, de ce côté-là, je suis chaud, y'a pas de soucis, je peux lui rendre service. Hein. Bon, bah écoute, non, là, il veut que ce soit une fille, malheureusement. Ouais, bon. J'aimerais mieux que ce soit une fille. Écoute, Olivier, bon, Anissa, j'ai compris tout à l'heure que t'avais pas l'air très très chaude pour appeler ta copine. Sandra, il reste plus que Sandra. Bah, il reste plus que Sandra, là. Mais est-ce que je la joue normale, genre, en fait, je la rends pas jalouse, mais je lui dis, voilà, je suis sa nouvelle copine, apparemment, avec toi, ça traîne un petit peu, il comprend pas trop. Tu sais, je la joue vraiment cool, franche, quoi. Ouais, genre copine. Je lui dis juste, voilà, je veux savoir où ça en est, vous deux, parce qu'il m'a parlé, toi, et il m'a dit que c'était pas encore terminé vraiment avec toi, mais il est amoureux de moi, je te rassure. Ouais. Attends, je la joue comme ça. Quoi. Attends, demandons l'avis des mignons, là, qu'est-ce que vous en pensez, vous? D'accord. Bon, bah, baston, alors. Baston, alors on y va. Je suis ok, Sandra. Bon, alors, bah, okay. Olivier, c'est parti, on y va, on l'appelle à ta demande. Je préfère encore une fois souligner le délire quand même. Hein. On est qu'ils le disent à l'antenne, pour pas de problème. Voilà, est-ce que, Olivier, tu peux dire, je sous-signé, Olivier déclare demander qu'on l'appelle et qu'on me foute dans la merde. Je vous envoie un fax. On a plus de fax, Olivier, depuis 1983. Bon, allez, tu peux me mettre sur Minitel, si tu veux, envoyer un message. Bon, on y va, Olivier, c'est parti, on l'appelle, bah c'est Sandra qui va gérer du coup, hein. Allez hop, c'est parti, comment elle s'appelle ta copine? Priscilla, d'accord, ok. Allez, Sandra, t'as tout noté là, t'es sûr? Non, mais on va y aller. Ouais, on va y aller. Priscilla, c'est bon. Bon, on va y aller à l'impro, hein. C'est parti, on y va, on l'appelle. Allez hop. De toute façon, j'y vais cash, hein. Ouais, bah oui, bien sûr. T'inquiète ouais, pas les mignons sont là, hein. Voilà, on te file un coup de main au besoin, quoi. Allez. Pardon. Là, ça sent le répondeur, ça. Oui, ça sent surtout que ça téléphone pas là. Ah c'est pas mal ça. Alors, c'est quoi? C'est occupé, mais c'est bizarre d'habitude quand c'est occupé. Enfin, ça sonne plus occupé, c'est directement le répondeur. Olivier, t'es sûr que t'as donné le bon numéro? Ah oui, 0. Non, pas l'antenne. Ça y est. Là, on aurait eu des vrais problèmes. On y va. Allez. Allô Priscilla? Okay. C'est Sandra, enfin tu me connais pas en fait, je t'appelle par rapport à Olivier. C'est qui Olivier? C'est qui Olivier? Allô? Oui, bah c'est un ami à toi ou je sais pas qui c'est pour toi Olivier en fait. C'est ton mec? Allô? Oh bah ça commence bien, c'est qui Olivier? Olivier, comment t'expliquer que en fait elle te connaît même pas la meuf là apparemment hein? Non, t'as vraiment des copines. Et moi j'ai envie de dire pour Olivier. Eh non. Ah pardon. Ouais, il est là, oui. Ouais, je l'avais perdu mon son. Ouais. Voilà, et j'ai même envie de dire. Voilà. Là t'es au top là Olivier là quand même hein. Mais bon. On va peut-être la rappeler ça. Bah, on va la rappeler parce que bon, ça va pas couper le tarcochonné. Mais non, tu la rappelles, tu dis je suis désolé, on a été coupé. Oui, bah, c'est ce qu'on va faire, ouais. Bon, tu veux qu'on retente Olivier? Ouais, je veux bien retenter. Mais est-ce qu'on peut dire un truc en plus sans donner ton nom de famille? Parce qu'elle a pas l'air de voir qui t'es, donc tu vois, pour que ça fasse chaud quand même. Ça se trouve, elle l'a fait exprès. Ouais, bon bah écoute, on va le rappeler. Hein. C'est bien d'y croire jusqu'au bout, Olivier, mais il y a un moment, faut décrocher. Bon, on va raccrocher plus dans notre cas. Tu l'aimes. Allez, on rappelle, c'est parti. Bizarre quand même, cette affaire. Et après on va rater parce que... J'ai pas que ça qu'à foutre. Voilà. Ouais, Priscilla, tu m'entends? Ouais, c'est Sandra, on a été coupé en fait. C'est qui? C'est Sandra. Bah, en fait, je t'explique, je suis la nouvelle copine d'Olivier, on s'est rencontrés là il y a pas longtemps. Et ouais. Il m'a parlé de toi en fait. Et ouais. Moi j'ai des sentiments pour lui, sauf que lui il en a encore un petit peu pour toi. Et il sait pas trop où ça en est entre vous, donc je me suis permise de prendre ton numéro. Ouais. Pour t'appeler, pour savoir où ça en était, parce que lui il est incapable de me répondre. Et moi, tu vois, j'ai pas envie de perdre mon temps avec lui, tu vois, s'il est amoureux de toi, si vous êtes ensemble ou quoi, je vais pas rester avec. Ah non, moi j'ai un copain. T'as un copain? Ouais. D'accord, donc t'es pas, tu sors pas avec Olivier? Bah non, c'est fini depuis un moment. Ça fait... Ah bon? Bah il a pas l'air d'être au courant. Bah si, il est au courant, je l'ai dit et redit, mais je crois qu'il comprend pas. Ah, il comprend pas? Ah oui, il te lâche pas en fait. Ouais, voilà. Donc il est un peu psychopathe, Olivier, excuse-moi. Hein. Ouais, voilà, c'est exactement ça. D'accord, donc tu lui as dit que c'était fini quand, comment Bah je l'ai fait comprendre, je l'ai... Ah, tu lui as fait comprendre, ça veut dire quoi? Parce que peut-être qu'il a mal compris alors. Ouais, ça doit être ça. Oui, ouais. Mais tu lui as dit c'est fini ou tu l'esquives? Ah, je lui ai dit que c'était fini. Ah, tu lui as dit clairement c'est fini? Ouais. Olivier, bon, bah là on peut rien faire pour toi là. Bon, Priscilla. Ouais. Bon, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. On t'appelait avec avec Olivier là qui est là. Et donc Olivier, t'as oublié de donner la moitié de l'information là quand même. Hein. Une menteuse. Hein? Comment ça, c'est une menteuse? Priscilla, t'es une menteuse? Ah non, du tout. Donc tu lui as dit quand que c'était fini? Au mois d'avril. Ah ouais, ah ouais, Olivier, hein. Ah ouais, au mois d'avril. Ah ouais, au mois d'avril, donc. C'est ça. Attends, avril, mai, juin, juillet, on est presque en août quand même. Ouais, on est pas mal, là, on est pas mal. Non, c'est une menteuse. Alors, Priscilla, puisque t'es une menteuse, c'est pas grave, je te propose en direct sur Fun Radio de la refaire. Voilà. Voilà, tu peux lui dire officiellement que c'est terminé. Écoute, Olivier, c'est terminé. Voilà, bravo Olivier. Eh ben voilà. C'est bon, cette rupture. Une de perdue, 10 de retrouvée. Eh oui, évidemment. Ouais. C'est pas grave, Olivier, c'est rien. Hein. Bon. Ouais, ça fait rien. Mais bon, non, moi, c'est rien. Il y en a plein des filles. Mais oui, Olivier. Mais il a des primes. Mais oui, t'es en direct à la radio, Priscilla. Eh, dis-moi, Priscilla. Oui. Pourquoi c'est fini avec lui, au fait? Tu peux nous dire? Parce que j'ai plus de sentiments. D'accord, bah, mais c'est, mais c'est voilà, une bonne c'est... raison. Non, mais c'est une bonne raison, il n'y a pas de problème. Ben voilà, Priscilla. Bon, ben, merci Priscilla. Hein. Rien. Et tu reviens sur Fun quand tu veux, à bientôt. Hein. Merci, à bientôt. Salut Priscilla. Bon, bah écoute, Olivier, voilà, moi c'est plié maintenant. Hein. Bah, ouais, mais c'est Olivier, t'avais c'est pas l'air d'être au courant de beaucoup de choses. Hein. Ben non. Bah, c'est ça. Bah, écoute, en tout cas, menteuse ou pas menteuse, elles viennent te dire que c'est terminé. Comme ça, au moins, t'es tranquille. Là. Mais c'est toi qui t'accroches en fait. Ah ouais, là, il faut décrocher maintenant. Hein, Olivier. Ouais, mais t'as chier pour toi, man. Ouais, moi aussi, ça me fait chier pour lui, le pauvre. Ouais. Mais bah, il faut passer à autre chose, Olivier. Hein. Bah, c'est ça, hein. Non, mais c'est sûr, quand même. Avril, août. Excuse-moi, Olivier, c'est ton premier amour ou c'est quoi? C'est ta première relation? C'est quoi, en fait? Ouais, mais ça te regarde même pas. Ah, il est dégoûté. Oh non, ouais, il est dégoûté. Il est agressif. Oh. Il est dégoûté. Bah, ouais. Bon, bah voilà, Olivier. Maintenant, moi, tu connais toutes les infos, là. T'as tout. Bah, voilà. Bah voilà. En tout cas, si on a des filles qui nous écoutent et qui sont intéressées par Olivier, il a l'air d'être en tout cas un mec sincère, mais qui comprend un peu mal. Oui, voilà, c'est ça. Il faut bien lui expliquer les choses. Il faut mettre un mode d'emploi. Sandra, oui. On voit le numéro. Oh, oui, t'inquiète pas, on va faire suivre, il n'y a pas de problème. On va t'envoyer les numéros s'il y a des nanas qui appellent pour toi. Bah, justement, tiens, elle vient de me le dire dans mon oreillette, là, Anissa, elle est chaude comme la braise pour Olivier, là. Non. J'ai le numéro de ma cousine, elle est un peu safe. Moi, si vous voulez, j'ai le numéro d'une alcoolique. Oh là là, en fait, on va lui renvoyer tous les cassos. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Ah, moi, je veux le numéro de Sandra. Bah, t'inquiète pas, on va te le donner. Tiens, 01 42 48 5000. Voilà. Ah, mais ça, c'est rien, ça. Mais si. Et en plus, c'est elle qui décroche et tout. Donc, t'inquiète, tu peux y aller. Hein. Plein de messages qui sont arrivés. Tiens, bah oui, mais c'est déjà pas mal. Plein de messages qui sont arrivés sur Twitter et Facebook. Là, oh merde, elle a un nouveau mec. Merde alors. Il y a Clara qui dit dur pour Olivier. Il y a Miss Bubble aussi qui avait envoyé le message. Ouh là là, la pauvre, en direct, un vent énorme. Merde, le pauvre, c'est Abby. Pauvre Olivier, il se fait plaquer en direct devant tout le monde. Pauvre Olivier, j'ai mal pour lui. C'est Chris qui avait envoyé le message. Il y a Kylian qui dit pareil. Mickaël, t'avais vu juste, c'est Florian. Eh ben oui, j'avais vu juste, effectivement. Bah, c'est mort pour lui, hein, pauvre Olivier. Encore une bonne soirée avec Mickaël. C'est Charlie qui avait envoyé le message. Bah, merci à toi en tout cas. Et puis Lucas qui dit, je sens que ça va se barrer en couille. Eh ben pour le coup, effectivement, ça s'est un peu barré en couille. Bon, eh ben écoute, Anissa et Laurent, écoutez, merci beaucoup d'être passé, puis vous restez au standard, on va vous filer des capotes et des compiles Starfloor. Ah ben non, ça va aller, les capotes, j'en ai pas besoin, non merci. T'en as, bah, on va te filer la compile quand même ou tu la veux pas non plus? Ah ben si, je veux, mais je peux passer une dédicace? Ah bah une seule. Ouais. Ah, une seule personne. D'accord, bah je passe une dédicace aux gens de Dumont et Zacharia. Ah, t'as vu, t'as fait deux là déjà, Anissa. Escroc. Ouais, voleuse. Bon, allez, gros bisous Anissa. Bah merci, gros bisous à vous, bonne soirée. Merci Anissa, ciao à toi. Et puis Laurent, bah passe une bonne soirée également. Et puis à bientôt sur Fun Radio. D'accord, je voulais juste savoir si je peux faire une petite dédicace. Mais une seule, à une seule personne. Ah mais moi en fait c'est simple, ça va être en groupe. Bah alors un seul groupe. Une dédicace à toutes mes ex, c'est celles qui m'ont reconnu. Et bah je vous emmerde et je suis bien content de vous avoir cité. Ouais, il était pas mal celui-là, effectivement. Ouais. C'est un bon, lui. Voilà, bon, bah salut à toi, Olivier. Salut. Allez, à bientôt. Ciao. Ouais, c'était Laurent. Olivier, on a une fille pour. Laurent, excuse-moi. On a une fille pour Olivier qui est intéressée. Non, Olivier. On va essayer de l'appeler. T'as entendu ça? Bah, appelez-la en direct. Bah, on va l'appeler là. Attends, on va l'appeler en direct. Et qu'on prépare aussi les la couleur là pour teuf là. On y va. Parce que là, je suppute qu'il est en train de perdre du temps exprès pour. Ne suppute pas. Tu vois, pour perdre du temps quoi. C'est moi qui prépare. Au pire, je lui mets dans sa gueule. Ah bah très bien, voilà, c'est le principal effectivement. Il faut y aller là. Bah ouais, j'ai promis là qu'on ferait la teinture de teuf. On va la faire, moi je le confirme. Bon, Olivier, on appelle en direct là la fille pour voir si éventuellement elle est intéressée par toi. Bah, ce serait pas mal. Elle s'appelle Marie. Elle a pas 15 ans. Bah, je sais pas, en même temps, t'en as 18, 3 ans, ça va. Marie qui est avec nous. Salut Marie. Salut. Comment ça va? Ça va bien, il faut. Mais ça va bien, Marie, tu as quel âge? 18 ans. Ah bah, t'as vu, Olivier, de quoi tu te plains là? Voilà, majeur. Le même âge alors. Ah bah, ouais, t'as le même âge. Bon, alors, attention. Marie, Olivier, Olivier, Marie, je vous présente tous les deux. À vous de jouer. De nous, Marie. Salut. Salut, tu es d'où? Clermont-Ferrand. Ah ouais, t'es Clermont-Ferrand? Ouais. Bah, c'est pas grave, ça fera des vacances gratos. Ah oui, ça fait un bout de chemin. Moi, ouais, mais c'est pas grave, t'es dans le détail, Olivier, là. Il y a le train, ça existe aujourd'hui, hein. Non. Et la voiture, au pire. Et en plus, elle a la voiture. Ah ouais. Et quand on aime, on ne compte pas, merde. Ah ouais, dis donc, Olivier, t'as pas l'air bien. Non, attends, il y a une fille qui arrive, elle est là, elle est intéressée par toi, tu dis... Oh, d'être trop loin. Oh, regarde, je vais te mettre un numéro. Olivier, je vais te mettre un peu l'eau à la bouche. Marie, combien mesures-tu? Ou pas? 1m70. Mais si, regarde, combien pèses-tu? 70 kilos. Quel est ton tour de poitrine? Ah ouais, non, là, ça devient... 105D. Combien? 105D. Ah oui, D comme Denise, alors. Oui, comme ça. Oui, D, donc la lettre juste avant le E qui est comme énorme. Voilà. C'est ça. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 42. Mais fonce. Ah ouais, voilà, mais fonce, qu'est, Olivier. Qu'est-ce t'attends là? Ben, bah, donne-moi ton numéro, puis je l'appelle après. Bah ouais, mais on va te filer, on va donner ton numéro à Marie, hein. Et puis après, voilà, elle va te rappeler, hein, si elle veut. Évidemment. D'accord, Marie? Oui, y a pas de souci. Eh ben voilà, ben on fait comme ça. Alors très bien. Bon, ben Marie, Olivier, voilà, il y a affaire qui roule. Tu vois, t'appelles pour une meuf, tu repars avec une autre. C'est quand même sympa, bah, sur bien. Fun. T'as vu un peu, hein? Oui, bon. On va rebaptiser l'émission. Ça va s'appeler Échange Standard. Ouais. Tournez manège. Ça va être bien. On va se marrer, tiens. Bon, salut Olivier, salut Marie. Gros bisous à vous deux. Salut. Et restez là. Non, Olivier. Non, dis donc, tu repars avec une meuf. Tu veux une dédicace? T'es sérieux là? Bah, juste une dédicace. Ah non. Alors, c'est soit le numéro de Marie, soit la dédicace. Tu choisis quoi? Bon, numéro de Marie. Ah bah tu vois, il me semblait bien là. Tu vois tout ce que tu veux. On va vous filer des capotes tous les deux, on sait jamais, hein. Oui. Bah ouais. Allez, salut tous les deux. À bientôt. Salut, bonne soirée. Ouais, ciao. Ça m'étonne. J'aurais cru qu'il allait prendre la dédicace. J'ai hésité. À un moment, je me suis dit, quand il a hésité, je me suis dit, il va prendre la dédicace, il est sérieux? Eh ben ça va quand même, il a pris Marie, ouf, heureusement. Il aurait été capable. Bah, il aurait, ouais, je pense, ouais. Bon, alors prêt là pour la teinture là, ou je mets d'abord Carolina Marquez? Tof, on se met d'abord Carolina Marquez. Ouais, il a peur, il a et peur, on il a met peur. Où, Tof? Eh ben sur Fun. Si moi je pouvais dans mon lit, ça me ferait plaisir. Tu m'étonnes. Allez, Carolina Marquez sur Fun Radio, c'est parti. Allez, bienvenue sur Fun Radio avec Carolina Marquez et plein de messages qui arrivent également sur le Twitter et sur le Facebook de l'émission. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. Nos limites. Fun. 01 42 48 5000. Ouais, et avec Chris qui vient d'envoyer un message sur Twitter là, Mickaël, la teinture va venir de toute façon, ça sert à rien de reculer les chances, ça va venir. Bah oui, là je pense que tout le monde en est conscient là, Tof aussi d'ailleurs. Bah oui, là je me suis préparé psychologiquement. Ça c'est fait. J'ai appelé ma mère une dernière fois. Très bien. Et il y a Benji Spears aussi qui est trop mort de rire ce soir, je me fous des barres Mickaël. Bah merci à toi. En tout cas, on fait tout pour. Chris aussi qui dit on veut de la baston nous aussi. Bah oui, bah j'imagine bien que vous voulez de la baston là. Ouais, comme les mignons d'ailleurs, hein. Bon, la semaine prochaine, je veux des nouvelles de Marie et Olivier. Bah t'inquiète pas, tiens, c'est noté là. Sandra, elle a pris les numéros des deux là, on va les rappeler la semaine prochaine. Quand j'ai repris Olivier aux antennes, Marie, ouais, elle était déjà en train de l'appeler en fait. Ah ouais, elle est chaude. Et lui, il continue à me parler, je lui dis mais t'es con, raccroche avec moi. Ah mais je préfère parler à Sandro. Donc du coup, ils sont au téléphone là en ce moment. Ah bah très bien, on aura parfait. Des nouvelles, hein, je pense rapidement. Bon, ils vont faire des petits. Bah je sais pas, mais ce serait une bonne nouvelle en tout cas, on verra bien. Bon allez, teinture, on aura Sébastien aussi, promis Sébastien, on ne t'oublie pas, désolé pour le retard. Teinture donc, on va faire ça maintenant. Allez, c'est parti là la teinture. Suite, là. Ah bah attends, on va pas perdre de temps. En plus, on a fait un gabarit pour ah bah pour oh là là, on a bien fait ça. Ah bah attends, qu'est-ce que tu crois? Évidemment qu'on a bien fait ça. Sauf que Polo il s'en sort pas, tu veux que je tienne peut-être? Ouais, tiens-le, tiens-le. Voilà, c'est ça, attends. Ça va comme ça? Parfait. Ouais, attends, on a mais fait un petit. On a fait un gabarit. En fait, ouais. on a découpé le logo Fun dans le gabarit. Et puis comment donc, tu veux que je le tienne? Dis-moi, Polo. Attends. C'est Polo qui doit. Voilà. Bon, y arriver. Hein. C'est Polo qui doit maintenant donc faire la teinture. Quelle horreur, j'en ai plein les doigts, c'est dégueulasse. Alors vas-y. Oh quelle horreur. Ah, j'instagramise immédiatement le. Oh, c'est froid. Ah non, on est au top, ouais, bah, là. Ça va, c'est bon. Allez, c'est bon. Attends, il met pas. Il y a pas trop. Il y a du bleu, mais pas non plus. Faut pas mettre trop de bleu. Plus, il faut mettre le rose. Ouh, c'est horrible. Ah ben bah, ça coule un peu. Ouais. Oh là là. Quelle horreur. Ah mais frotte pas avec ça. T'es en train d'en mettre partout. Ah ouais, avec la feuille en plus. Il est en train de frotter là. On est en train de filmer. On vous mettra ça sur le site. Hein, vous inquiétez pas. Hein. Oh là là là là là là. Alors attention, on attaque quelle couleur là maintenant? Dans le bleu c'est bon, on est bon. Oui mais t'es sûr que t'as pris l'autre? Bah oui, c'est bien que j'ai pris l'autre. Bon, ça y est, t'as pris la bonne couleur là. Oui. Bon, alors, vas-y, continue enchaîne. Là. Ouais, c'est bon, allez, enchaîne. Voilà, les photos en exclu sur Instagram maintenant, donc Emickaël officiel sur Instagram pour tout voir. C'est le même dessin. Voilà, Instagram et sur Twitter pour aller voir ça. Allez, vas-y. Allez, c'est parti, on voit bien le logo Fun derrière. C'est froid, là. Ça brûle la tête, c'est horrible. Ça brûle, c'est un truc qui est fait pour les cheveux, là, qu'est-ce que tu racontes? Oh putain, ça coule de partout, quelle horreur. On dirait que t'as du sang de schtroumpf. Oh, quelle horreur. On dirait que c'est... Allez, je crois qu'il faut mettre un peu plus parce que là on voit mal. Hein. Non mais sérieux, je pense qu'on voit vraiment mal. Là. Sérieux, on voit vraiment mal. On voit mal la couleur, là. Mais plus, là. Voilà. Voilà, mais un peu sur le côté aussi, on voit mal aussi là. Non, bah ouais, un peu, parce qu'il y a les cheveux gris, tant qu'à faire, autant les enlever. Mets du jaune et qu'on en parle plus. Oh voilà, faut mettre un peu de jaune là. Voilà, maintenant on va mettre le Fun, FUN, tu vas voir, on va le mettre, on va bien le mettre. Et donc toutes les photos, on est en train de les faire là, vous allez pouvoir voir ça sur Instagram. Dès maintenant, il y a les premières qui arrivent là. C'est bien. Vas-y, bah remets-en une petite couche, c'est pour moi, c'est moi qui régale. Ah le jaune il va mieux là, tu vois le jaune on le voit beaucoup mieux. En fait au-dessus, ouais le problème c'est au-dessus, ça se voit mal. Bon on a un peu tué le logo Fun, hein. J'espère que Fun ne va pas nous en vouloir. On a mis le FUL à la place du blanc, on l'a mis en jaune, hein. Désolé. Non c'est pas mal, ça coule un peu sur le t-shirt là. Sans déconner, ça coule de partout. On va mettre ça mieux, on va mettre des photos, on va revenir dans un instant là. Vous restez en direct sur Fun Radio, on revient juste après ça, bougez pas de là. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. Vas-y remets-en un petit peu là, c'est pour moi. Mickaël. Tous les soirs, 20h-23h, sur Fun Radio. Ouais, et en mode dance floor ce soir là, avec la nouvelle couleur de teuf là. Il est bien le Fun là, il est pas mal. Ouais, il est pas mal. Il est pas mal. D'ailleurs, les photos hein, sur Facebook, venez nous rejoindre là, facebook.com/Mickaël officiel. Alors, faites des likes hein, si on arrive à 1000 likes, il garde ça pendant un mois. Bah, bien sûr, ouais. Déjà que je rentre en vélib ce soir. Ah, oui, c'est vrai, il est venu à pied aussi aujourd'hui. Ah, c'est pas mal. À vélo, ouais. Je suis assez satisfait. Je vais bien dans les rues de Paris là. Bah, franchement, il est pas mal là, ouais. Donc, allez voir facebook.com/Mickaël officiel. On va mettre ça, enfin on l'a mis déjà sur le Facebook. Donnez votre avis justement là, facebook.com/Mickaël officiel, la nouvelle teinture de Toff en mode dance floor. On a mis le logo Fun. Bon, on a fait ce qu'on peut, on a fait ce qu'on a pu, hein. C'est pas facile non plus. Problème donc, de gabarit. Ouais, bah c'est ça, c'est rose, jaune et bleu sur la tête de Toff là. Donc allez voir ça, facebook.com/Mickaël officiel, et surtout laissez vos commentaires. Doit-il ou ne doit-il pas laisser cette magnifique coloration? Il y a Let's Be Freaks qui dit perso, ça va, j'ai vu les cheveux à moitié rouges, j'ai eu les cheveux à moitié rose. Bah voilà, tu vois finalement, tu peux y aller. Ah oui, finalement alors. Bah, vraiment pas vu problème. Comme ça, moi je pense que je suis au top. Bah, t'as raison. Allez, sur Fun Radio, on s'écoute le son de Gilo maintenant et Pitbull juste après. Comme promis, on aura Sébastien enfin, et j'ai envie de dire. Allez, champagne, c'est Live It Up sur Fun. Le son de Gilo à l'instant sur Fun Radio, remixé par les Mignons. Ils voulaient absolument être dedans. Et d'ailleurs, ils vous ont réservé une petite chanson avant la fin de l'émission, les Mignons, en exclu total. Voilà, ça vous aidera. Enfin, ça va vous aider. Voilà, je vous en dis pas plus, mais vous verrez à quoi ça va vous servir. Bon, bah alors, plein de monde hein, sur Facebook, Twitter. Là, ça a cartonné là, ce soir là, pour la nouvelle coupe de cheveux de Toff en mode dance floor. Ah, bah ouais, il y a Marion qui dit Mickaël, faut qu'il reste comme ça. Bah oui, mais c'est évidemment. Ça. Mais si, il y en a plein qui le disent. D'ailleurs, je n'irai pas chez le coiffeur pendant 6 mois. Mais t'as juste raison. Regardez cette couleur. Voilà, il y a Jesse Beach aussi qui dit vous auriez dû lui faire toute la tête. Oui, c'est vrai aussi, ouais. Toff est passé en mode dance floor, c'est Thibaut. Le pauvre, mais sinon ça donne un style pas trop mal. Il se rend pas compte de la chance qu'il a, je crois. C'est Abby qui avait envoyé le message. Je suis d'accord avec toi, Abby. Je pense pas qu'il s'en rende bien compte, effectivement. Mais si, je sais que je suis trop beau et que je vais pécho grave en sortant de la radio. Ouais, ou pas. Manon aussi qui dit sur Facebook, salut Mickaël, en tout cas, juste pour dire que ton émission déchire, bravo à toi et à toute l'équipe. Bah, c'est gentil, Manon. Merci à toi pour le message. Et puis, bah, tout le monde est pour, là, hein, que tu gardes ta tête comme ça en mode dance floor, là. Hein. Mais moi-même, je suis pour. Ah ouais, bien, ouais. Même Pedro, boss de la radio, là, qui a liké la photo. Eh ben, écoute, je l'en remercie. Voilà, et je lui garde un peu de peinture pour quand il rentre. Et je suis sûr que. On va lui faire la tête à Pedro. Je suis sûr que le connaissant, il va mettre ça directement sur funradio.fr, sur le Facebook de Fun et tout le bordel, hein. Tu vas devenir une star avec le logo Fun sur la tête. Écoute, avec plaisir. Voilà. Si je peux être sa star, c'est avec plaisir. Ouais, mais c'est une déclaration d'amour ou comment ça se passe, là? Il me plaît. C'est son petit côté portugais barbu qui me plaît. Oh. C'est ça. Il y a un message qui dit pour moi le F est raté, mais c'est marrant. Bah oui, mais Jessica, on a essayé. C'est un style. Et c'est le premier. Hein. Jessica, c'est mon premier. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Je trouve que c'est pas mal. Je vais faire une photo. Je n'irai pas jusque-là. Tout bon, plus un pour la coupe. C'est Bouboule qui avait envoyé le message aussi sur Twitter. Et puis, bien qu'il y avait aussi comme message, je l'ai perdu. Bon, c'est pas grave. Je vais le retrouver dans un instant. Et puis, là, nous avons Sébastien. Sébastien, mille excuses d'avoir traîné avant de te prendre. Je suis désolé, c'est ma faute. Chez mon ami. C'est pas grave. Bon, bah vraiment désolé. Hein. Bon, de toute façon, Sébastien, c'est pas grave si on n'a pas le temps de parler correctement et d'avoir tous les conseils que. Enfin, de te donner tous les conseils que tu souhaites. En tout cas, on te reprendra demain sans problème, Sébastien. Ok, il n'y a pas de problème. Au cas où. Bon, alors, Sébastien, 27 ans. Donc, toi, t'appelles d'où ? Non, en fait, moi, j'appelle de Paris. T'appelles de Paris, d'accord, ok. Et donc, tu nous appelais pourquoi ? Bah, pour ton problème de voix, a priori, déjà. Voilà, c'est parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui a un phénomène rare, je possède deux voix. Suite à des injections hormonales de croissance, à l'époque, j'étais dangereux. Attends, mais comment ça, tu possèdes deux voix ? Oui, je possède deux voix. Oh, c'est fort ! Oh, la violence ! Mais alors, attends. Quand tu parles normalement, t'as la voix aiguë ou t'as la voix grave ? Bah, en fait, je peux faire les deux sans aucun problème. Voilà. Oh, oui, c'est énorme. Mais c'est horrible. Non, je rigole. Non, enfin, je dis c'est énorme parce que il y a plein de gens qui voudraient avoir ça, ne fût-ce que pour se la ramener, quoi. Après, c'est peut-être que dans le truc de tous les jours, c'est pas pratique, mais. Est-ce que tu peux prendre la grosse voix et me dire je suis ton père? C'est juste pour voir. C'est ton père. Ah oui, quand même. Non, mais c'est fort, ça. Mais alors, du coup, tu peux faire les deux, mais naturellement, parce que naturellement, il y a bien des deux voix qui vient. Bah oui, je peux. En fait, je les fais systématiquement. Je peux chevaucher de l'une à l'autre comme je le souhaite. Ah, c'est dingue. Et c'est dû à quoi, ça? C'est dû en fait aux hormones de croissance parce qu'à l'époque c'était très dangereux et donc il y avait des effets secondaires et ces effets secondaires m'ont fait que du coup à la place d'être un nain, au lieu de faire un mètre, je fais 1m75 grâce aux hormones. Ouais. Et il y avait des contre-indications bien sûr qui pouvaient se faire, c'est-à-dire soit avoir deux voix, soit avoir un problème au niveau des cordes vocales ou alors encore avoir une jambe beaucoup plus petite que l'autre. Mais vraiment. Bon, au final, t'as entre guillemets le problème le moins grave. Oui, au final. Mais c'est pas vraiment grave et j'ai assez grandi et j'ai vraiment halluciné aussi les hormones parce que, et j'en remercie beaucoup, c'est l'hôpital de là où j'étais qui m'a guéri. Mais alors du coup, tu nous appelles pourquoi ? Parce que ça te pose un problème dans la vie de tous les jours d'avoir deux voix ? Oui, ça me pose un problème, oui, parce qu'en fait les gens m'appellent madame, mais ça me stresse parce que voilà, je suis quelqu'un qui a une orientation sexuelle qui fait que voilà, ça se justifie un peu, mais même si t'es gay, c'est pas grave. Voilà, bah oui, voilà, c'est le cas. Et donc du coup je préfère simplement dire que j'en ai marre que les gens m'appellent madame, quoi, même si ils me voient dans la rue, je suis un homme et. Oui, parce que voilà, mais t'es gay mais t'es bien mec. Enfin, je veux dire, t'es pas bien fille. Non, en fait, du fait que je suis homosexuelle, je reste quand même masculin. Je n'ai pas des choses qui vont. Mais alors, la question con, mais si tu dis que tu peux faire comme tu veux, pourquoi tu prends pas la voix de mec ? En fait, la voix de mec, c'est juste un petit peu d'échauffement au niveau de la voix. C'est vraiment pas grand-chose, mais ça paraît facile. Mais pour moi, c'est vraiment un travail. Et donc, du coup, je prends pas de temps pour le faire. Hein, je le fais systématiquement. Mais dis donc, j'ai plus à peiner plus avec la voix grave qu'avec celle-ci. D'accord. Ah ouais, donc ta voix naturelle, c'est la voix aiguë. Enfin, celle qui vient naturellement quand tu parles sans réfléchir, c'est la voix aiguë. D'accord. Oui, okay. mais la voix normalement que j'aurais dû avoir, c'est celle, la voix grave, donc celle que j'aurais dû avoir en tant qu'homme, quoi, mais pas en tant que, on va dire, si on peut appeler ça homme-femme, si on préfère, mais bon. Ah ouais, non, mais enfin la voix aiguë au final, c'est ça, c'est même pas une voix. Parce que quand on t'entend parler, c'est pas une voix de femme, tu vois. Si on t'entend, on voit, sauf si tu dis allô ou juste un seul mot, on peut hésiter, mais si on discute avec toi, on entend bien que c'est pas une femme, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le remarque. Bien, hein. Bon, en tout cas, je veux bien rendre service aussi, si des fois il y a des auditeurs qui veulent qu'on leur fasse un petit canular. Pas de problème, je suis d'accord de porter ma voix, mes deux voix pour ça. C'est cool, c'est bien, on va garder ton numéro. Il y a Brandon qui dit trop bon, il a deux voix le gars, c'est fort ça. Arthur aussi sur Twitter qui dit il est énorme le gars, avec ses voix différentes, je suis mort de rire. Mais c'est vrai que pour le coup, tu dois, entre guillemets, amuser la galerie avec tes potes, toi, changer de voix comme ça. Salut, ça va? Tu vois, c'est bizarre. Bah, en fait, j'ai mes voisins qui justement, ma voisine qui est pompier et son mari qui est cuisinier, justement, eux, ce sont des gens sur lesquels ils ont halluciné parce que quand je leur ai dit j'avais deux voix, ils ont du mal à y croire et quand je leur ai fait vraiment en face, là ils ont dit mais oula, d'où il sort celui-là? Ah ouais, il y a Ben sur Twitter qui dit c'est mortel quand même, Michael. Le pauvre quand même, ça doit être chiant d'avoir une voix aiguë. Bah ouais. Oui, surtout quand c'est la naturelle, évidemment. Ouais. Ouais. Chris qui dit, il se rend pas compte de la chance qu'il a. Oui, c'était une joke par rapport à tout à l'heure. Non, mais c'est fort. Alors, ce que j'aimerais bien faire, Sébastien, parce que c'est vrai qu'on arrive à la fin de l'émission et qu'il y a Party Fun qui pousse, mais ce serait bien qu'on puisse te reprendre demain si t'es dispo. Oui, alors demain, il n'y a aucun problème, parce que tu comptes, je suis disponible. Bon, bah, génial. Demain, je vais changer de numéro de téléphone. Donc oui, mais ça, je te passe à Sandro, tu gères ça avec elle au standard. Mais j'aimerais bien qu'on parle aussi, justement, si vous avez des particularités aussi, comme lui, il a deux voix, par exemple. Enfin, Dieu, il peut choisir une voix et puis l'autre. Est-ce que vous avez des particularités? Non, parce qu'en plus, c'est faux. Donc, Par contre, si tu veux, j'ai quelque chose aussi à préciser, c'est que vous pouvez aller voir mon Facebook, justement, dessus. Ouais, moi aussi, vous pouvez aller voir mon Facebook. Tu disais, Seb? Okay. Justement, j'ai un Facebook aussi que vous pouvez aller voir. Ça parle un peu de ma vie, à peu près tout. Ouais. Et justement, il y a des vidéos qui sont un peu drôles. Enfin bon, bref, je suis un peu Du coup, file l'adresse à Sandra au standard. On va aller regarder ça. Et comme ça, on pourra en parler. On peut parler demain avec tous les auditeurs qui ont éventuellement aussi des particularités. Bah, merci Sébastien. Désolé de t'avoir fait attendre. Et on te rappelle demain en début d'émission. Ok, ça marche. Salut Seb, bonne soirée, bonne nuit. Et puis on avait David aussi qui voulait réagir. Ben, on va te reprendre demain, David aussi. Ça va pour toi? Oui, il n'y a pas de souci. Impeccable. Bon, ben merci David. Je te renvoie chez Sandro et on te rappelle demain. Salut David. Salut. Ciao à toi. Tain, c'est fort ça, le coup des deux voix quand même. Hein, t'as vu? Ouais. T'arrives, tu peux enfumer tout le monde comme ça. Je vois pas, c'est quoi les. Enfin, c'est cool quoi. Moi, si j'en avais deux, trois, ça serait sympa. Bah ouais, c'est sympa, ouais. C'est sympa. Bah, message qui dit de Maxime, putain, le gars avec les deux voix, c'est bizarre. J'ai cru que c'était une fille, chapeau. Mortel quand même, même si c'est relou d'avoir deux voix. Bon, non, moi, je trouve que ça peut être sympa, au contraire. Mais bon. Bon, bah, en tout cas, voilà, l'émission est terminée pour ce soir. Merci d'avoir tous été là, on s'est bien marré. Ouais. J'espère qu'on fera mieux demain, et à mon avis, ça va être le cas, grâce à vous, évidemment. Hein. En tout cas, je compte sur vous pour demain être en top tweet, en revanche. Hein. En tout cas, on salue tous ceux qui étaient connectés ce soir, là, sur Facebook. Bah, il y avait du monde, évidemment. Je salue quelques-uns, Jordan, il y a Tamara, il y a également Johnny. Amor et Sandra qui étaient là aussi. Il y a Anthony, il y a Patricia, Kevin, qui s'y va aussi, Florian, Daniel, Jennifer, Elsa, Jean-Philippe et tous les autres. Ça c'est notamment ceux qui ont liké la photo de Toff avec le logo Fun Radio Dancefloor sur la tête. Je suis trop beau, non. Je me kiffe. Plus je regarde cette photo, plus je me trouve beau. N'irai pas jusque là. Et puis on salue également celui qui souhaite bonne nuit, Victor, qui vient de souhaiter bonne nuit, Victoire, désolé. Aurélien également, Thibaut, il y avait aussi Jesse Beach qui était connecté ce soir et qui était bien au taquet. Abby également, DJ Kylian, Chris, Yvon qui était là également. C'est Anaïs, Yvon, tant pour moi. Fabienzo, etc. Bon bref, en tout cas, merci d'avoir tous été là sur l'Instagram également. On va se retrouver nous demain. À partir de 20h en pleine forme et sans oublier évidemment dans un instant Party Fun et surtout il y avait les mignons qui avaient un message là pour vous avant de partir là. Je vous levais un petit message là, petite chanson rien que pour vous. Allez hop, on va se quitter avec celle-là, c'est parti, écoutez bien. Bodo blim, bobo gip, bodoa da do da doa ma. Ça manque de rythme. Tous les soirs, 20h-23h. Nos limites. sur Fun Radio. Exactement. Et puis maintenant c'est parti là, hein. C'est parti pour Party Fun. Party Fun avec Dimitri Vegas et Like Mike, avec Miko également, hein. Ce sera jusqu'à demain matin. N'oubliez pas également le morning sera avec déjà à partir de 6h tous les cadeaux, avec notamment le double fun qui peut tomber à tout moment là pour choper tous les cadeaux. Restez à l'écoute de Fun Radio toute la journée. Et puis on se retrouve nous demain à partir de 20h. Excellente soirée tout le monde. Et puis excellente nuit. C'est Party Fun qui démarre maintenant. Bonne soirée, salut. À demain. Ciao tout le monde. Eh, me laissez pas tout seul, salut, surtout. Hein. Salut, salut. Bah, je l'ai dit moi. Quelle bande de bâtards. Allez, merci à vous tous d'avoir été connectés. Soirée rencard demain dès 20h. Ciao. Party. Party Fun. Party Fun avec Sam. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Si t'as un Sam, t'as le swag. Fun. Fun Radio.